Merci d'être branché sur Fun Radio. J'espère que votre soirée se passe bien. C'était la Playmix, 19h, 20h en direct. C'était la dernière de la semaine. On va se retrouver à partir de lundi, même horaire. Vous avez envie que votre playlist passe sur Fun Radio, vous me l'envoyez par mail samy@funradio.be. Ils sont rentrés dans le studio, ils sont tout beaux aujourd'hui. Hello. Ça va bien, t'as vu, on a reçu nos vestes. Les trois mousquetaires de la soirée. Est-ce qu'elles sont à votre taille ou pas? Parce que moi, elle est beaucoup trop grande. Mais voilà, tu vois le résultat. C'est vrai que je regarde Lorenza, ça a l'air un petit peu trop grand. Un petit peu. Ils avaient plus que du triple XL pour voilà. Lorenza. Ils sont sympas à la radio. Mike, 20h-23h, yes. Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir? Eh ben, ce soir, comme d'habitude, on va retourner le pays. Il y a du Mamie Simone, il y a du cadeau aussi à Pécho, ma petite Lorenza, ce soir. Il y a plein de cadeaux à Pécho. Il y a d'ailleurs une semaine pour 4 personnes dans un camping étoilé. Hein. Ouais, et ce sera chez vous, vendredi, la grand résultat. Demain. Sort, ouais. C'est demain, exactement, entre 16h et 19h. On est parti, les amis. Yes, aïe. Encore une longue journée qui s'achève. Vous pensiez rentrer tranquillement chez vous? Vous pensiez passer une soirée calme et paisible? Yeah! Et si ce soir, tout changeait? Et si subitement, votre existence tout entière prenait un autre sens? Change your life. Et si vous recommenciez à vivre, à rigoler, à vous exprimer, vous amuser, vous défouler? Et si dès maintenant, l'avenir vous souriait? Yeah. Fini les soirées galères. Aujourd'hui, un vent de liberté souffle sur la Belgique. A space of freedom and no judgment. Freedom and no judgment. Vous ne serez plus jamais seul. It's a family. L'heure est venue de l'ouvrir. 02 851 4x0. Libertad. Mike. Le soir sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver. Le petit moment de détente pour terminer la journée. C'est parti jusqu'à 23h. Il est 20h01. On est là en direct, prêt à retourner le pays, à foutre le feu, les amis. Dernière émission de la semaine en plus. Putain, ça y est, c'est déjà le week-end. Elle est passée vite cette semaine de rentrée. Elle est passée une vitesse. Ça va bien, ma petite Lorenza? Ouais, je suis en forme comme d'hab. Hein. Oui, prêt à foutre le bordel dans le couple des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent. J'aurais peut-être pas fait le même si tu vois. Oui, parce que chaque soir on fait dans l'émission le Lorenza full bordel. Ouais. Donc si vous avez des doutes sur la fidélité de votre mec, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On va le faire assez tôt là ce soir. Vous pouvez vous inscrire. On rappelle tous les moyens de nous contacter, ma petite Lorenza. Alors par téléphone, c'est au 02 851 4x0 et c'est Coco qui s'occupe de ça et elle vous accueille avec plaisir avec sa belle voix. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Ça va bien? Oui, super. On est aussi connecté et tu checkes tous les messages qui arrivent sur le Facebook. Tiens. Oui, sur la page Mike Fun Radio, vous pouvez envoyer vos messages, vos inscriptions pour des jeux. Ben je vous réponds dans la seconde. Dans l'actu, tiens, j'ai le chiffre du jour. Vas-y. 60% des femmes le font après une rupture, d'après toi. Manger de la glace. Non, elles gardent leur ex comme ami, je vais te le dire parce que t'aurais pas trouvé. What? C'est ton cas? Est-ce que tu gardes ton ex dans tes contacts? Toi, quand c'est fini, c'est fini. Ah, c'est fini, il faut tout supprimer. À moi, pareil, jamais. Parce que moi, je leur ai fait des trucs horribles, donc elle veut plus me revoir. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait du sexe avec elle. Donc, globalement, elle me jette des trucs à la gueule quand je prends mes ex. Sauf une. J'avoue, mon premier amour. Celle avec qui j'ai vécu le big love, tu sais, le petit cœur qui s'accélère, les palpitations, papillon. La montée d'adrénaline, tu vois, tu connais quoi. T'as. Moi, j'ai gardé contact avec mon premier amour. Ok. Je suis resté très très poche, on s'appelle à Noël, aux anniversaires. C'est quoi? Ça fait longtemps que j'ai. Est-ce que je pourrais l'appeler en direct? Ouais, ça vous dérange pas? Surprise là, non, ça vous dérange pas? Est-ce que je pourrais le faire? Non, vas-y, bon, écoute. Excusez-moi, c'est privé, mais bon, je me permets de le faire, voilà. Ok. Non, on est bien. Alors attends. On va faire connaissance avec la demoiselle, hein? Ouais, bah, j'espère qu'elle va répondre. Si elle taffe à cette heure-ci. Bonjour. Ah merde. Vous êtes je lui laisse un message. Avec la boîte à messages de. Enregistrez votre message après le signal sonore. Oui, pour bah. Terminer, il suffit de raccrocher. Merci et au revoir. Ouais, Doudou, bah c'était bah, juste pour avoir d'autres nouvelles. Bon, je te rappellerai. C'est le problème du réseau en montagne, ça passe mal. Ouais, On va écouter Drake dans quelques instants. Marwa Loud s'est calé aussi sur Fun. Le nouveau. Et Maître Gims aussi ce soir. Et on dit bonsoir à Joël qui est au standard. Salut Joël. Bonjour la famille. Bonsoir Joël. Ça va bien? Bah, j'ai passé à la radio là. Ben, ouais, oui, ouais. Je suis en direct à l'antenne, ma chérie, toute la Belgique. Oh my God, c'est parce que je suis en sérieux, parce que j'ai coupé ma radio, je vous entends pas. Ah, bah oui, coupe la radio, sinon en plus ça va faire un écho et tout. Coupez ta radio. Ma fille est là. Coupe la radio tout à l'heure, ma chérie. C'est bien, c'est Coralie. Je coupe carrément. Hein. Oui. C'est mal, j'aime pas beaucoup couper. T'inquiète, tu nous remets après. Bon, ma petite Joël. Je suis en sourdine, je vous adore. T'es à Hucle, t'es une fidèle auditrice de Fun Radio. Et tu voulais passer une dédicace, c'est ça, un petit coucou? Oui, tout à fait. Attends, tu sais que bah, les décisions, on les prend en équipe. Donc, tout de suite, on se fait une réunion d'équipe pour savoir si elle peut faire. Oui, non, mais de toute façon, je vais aller chez la boulangère. Parce que la boulangère, elle m'avait dit, mais je n'ai plus de bonbons. Alors, je m'en avais plus de bonbons. J'ai de l'échec paquet du coin. Mais le paquet du coin. C'est vrai que c'est assez dégueulasse, les cheveux de Samy. Ça fait très. Voilà, merci, Axel, merci. C'est bon, tu peux y aller. J'ai un baffle qui va à gauche. Et quand je diminue le son, il va à droite, le baffle. Ah. Et il faut le mettre. Est-ce qu'on peut lui donner. Les deux baffles ensemble. Ma musique est à. Alors vraiment, elle est un petit con, en fait. Tu vas noter le mail du technicien de Fun Radio qui va se déplacer chez toi. Oui, alors vas-y, passe ta dédicace, ma petite Joël, s'il te plaît. Parce qu'on comprend rien à ce que tu racontes, ma chérie. Passe ta dédicace. C'est génial. Attends, je veux dire encore un petit mot. Vas-y. Je voulais faire un barbecue chez vous que je me suis inscrite. Et ça avait bien marché. Il fallait faire Enter sur Internet. Et ma voisine a sauté au-dessus du mur pour dire « S'il te plaît, mets pas Fun Radio. J'ai mis le marteau-piqueur des gens qui font les transformations dans l'appartement. » Joël, est-ce que pour un ami, tu peux me donner... Elle a fait du bruit jusqu'à 10h du soir. Et elle ne veut pas la cocotte. Hein. Aïe. Il faut l'inviter alors, hein, Joël. Il faut l'inviter, comme ça, elle ne fera pas... C'est une beauté froide. Hein. Joël, pour un ami, tu me donneras quand même le numéro de ton dealer, s'il te plaît. Je te fais des gros bisous, Joël, on te laisse, ma chérie, ok? Je fais un gros bisou à vous. Mouah. Et à mon fils, Jonathan, qui a 28 ans, qui est marié. Ça et va. Bah, gros bisous à Jonathan. Nouvelle, malheureusement, parce qu'il doit vivre en couple, en stéréo de jeu, en stéréo en face. J'imagine ça? Wow. Il y a deux ordinateurs, ils sont en face. Hein. Je vais rappeler mon ex, moi. Bisous Joël, bisous. Bisous, nous aussi on t'adore, ma Joël. Gros, tu m'as vendu du rêve pour le début d'émission. 27 sur Fun Radio. On est en direct, on va accueillir l'auditeur. C'est qui est là? C'est Johanna. Johanna, bonsoir. Johanna, bonsoir tout le monde. Hello. Ça va bien, Johanna? Bien, et vous? Bah oui, tranquillement. Super. Tu veux, dans quelques instants, faire un défoule room, c'est ça? Ouais. Sur mon copain Tommy, ça va. Il pisse à côté, c'est ça, t'en as marre? Oh putain, c'est pas possible. Ne bouge pas, je le sens très bien. Juste après Drake sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, bonne soirée. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Track money, Benny, I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a rave. Kissing in a rave. Kissing in a wave. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe, code to the safe, safe. I show 'em how to network. For that Netflix and chill, what's your network? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Yeah. And I'm down for you always. Yeah. And I'm down for you, down for you, down for you always. I got a new boy, and a nigga Trey. Are you riding? Say you never. Now let me see you. Now let me see you. Et toute la Belgique en entier, ramenez-vous chaque soir ici, on est là avec Lorenza, avec Coralie, en full bordel dans tout le pays, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. On est là. Oui, Lorenza, on est là, on est là. Tous les soirs, prenez la parole. It's a freedom and no judgment. 02-851, 4x0, Mike sur Fun Radio. Hashtag la gênance, tous les soirs sur Fun Radio. Vraiment. Ah, il y a Kaufman qui arrive pour le Fun Games. Ah, cool. Il sera là ce soir et je crois qu'il est encore pas venu des mains vides. On retrouvera aussi Mamie Simone sur Fun Radio. Il y aura Marwaloud côté son dance floor. Ça, c'est à s'écouter, le nouveau Marwaloud, dans un instant. Si vous ne l'avez pas encore découvert. Ça s'appelle Bad Boy. Un petit jeu pour toi ce soir, Lorenza. Enfin, ça, c'est pour les auditeurs, mais ça te concerne directement. Oh non. Ça s'appelle la justice téléphonique. Ok. Je ne t'en dis pas plus. Ok, merci. Johanna est là, 22 ans à la Ken. Oui. Oui, Johanna, oui. Tu en as marre de ton mec. Oui, non, non, mais ça va plus. Déjà, il rabaisse pas la planche des toilettes et en plus, il s'est pas visé. Enfin, je sais pas si c'est déjà arrivé, les filles, là, en studio, c'est possible. T'inquiète. On sent que vous avez beaucoup de choses à dire, s'il vous plaît, une après l'autre, Lorenza. Ah, ben non, moi, ça m'arrive tout le temps, je suis dans la même situation que toi, j'ai essayé les post-it, les trucs un peu, tu vois. Mais pourquoi c'est à nous de baisser la cuvette des toilettes? C'est le débat qu'on a à chaque fois. Parce que quand tu t'assieds sur les toilettes, t'as besoin aussi de t'asseoir un jour, de s'asseoir tout le temps. Toi, tu fais pipi. Non, mais debout, tu sais regarder. Bien, non, tu sais, quand tu vas aux toilettes, regarder, tu vas pas t'asseoir sur le truc. Eh ben si, c'est comme ça, les filles, on est pressé, on court aux toilettes, on s'assied, on ne regarde pas. Pour nous, la planche va être abaissée, c'est logique. J'ai jamais vu s'énerver autant. Mais il faut le vivre aussi, hein. On a l'impression de tomber dans un trou humide, froid, c'est dégueulasse. Si ça pue, c'est. Mais moi, pareil. Mais ça peut provoquer un choc. Mais ma meuf, elle me casse la tête à chaque fois pour la cuvette des toilettes relevée. Ça m'étonnerait pas que ça devienne une raison valable de divorce. Un jour. Vraiment. Non mais pour être tranquille, j'ai fait installer une litière moi comme ça. Je suis tranquille. Je pisse dedans. Et une poche à pipi dans mon lit, j'ai même pas à me lever. C'est sympa. Attends, c'est ça. Ça commence comme ça et demain c'est quoi? On va plus pouvoir manger du saucisson tranquille dans le lit. Tu manges du saucisson dans le lit? Ce que je fais dans mon lit me concerne. Ça va, écoute. Dites-moi la dernière embrouille à deux balles dans votre couple là, parce que c'est pas très très grave non plus, Johanna. Non mais. Mais bon, il y a la planche, puis aussi il y a le fait qu'ils sachent pas viser, quoi. C'est pas possible, c'est terrible. Il en fout partout. Et moi, je retrouve des raclures de pisse même sur les murs. Oh, c'est très classe. Bon appétit si vous êtes en train de manger en écoutant Fun Radio. Moi, en plus, c'est pas possible. T'inquiète, je te comprends trop parce que des fois même je lui dis, mais t'as pissé à côté de la toilette. Tu vois, je vois des petites gouttes comme ça sur le carrelage de la salle de bain et je fais, putain, qu'est-ce que tu fous? Et il fait, mais non, évidemment, tu vois. Mais on sait que oui. Donc s'il vous plaît, les gars, apprenez à viser. Et en plus, c'est marrant. Ça doit être trop drôle. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un mec pour essayer d'apprendre à viser dans les. ça peut s'arranger. on nous dit sur les SMS, t'as qu'à le faire nettoyer à chaque fois que et tu check après. Bonne idée. Oui. Et tu l'attends devant la toilette avec ton petit balai, ta petite serpillière, et tu lui dis, tu nettoies maintenant. Ah, l'accueil. Oui, je peux essayer. Tiens. Mais on devrait demander aux mamans de leur inculquer ça, je sais pas. C'est vrai. Il y a pas, c'est quelque chose que les mamans font pas non plus, hein. Ouais, c'est vrai qu'en Belgique il y a trop de mecs qui pissent à côté. Est-ce que notre pays n'a pas un problème de valeur? C'est vraiment la question que j'ai envie c'est une de question de te poser. Qu'il faut vraiment. Non, mais d'ailleurs, j'ai vu plein de tweets cet après-midi. Avec le hashtag t'es en couple quand? Ouais. Vous voulez que je vous en lise quelques-uns? Vas-y, vas-y. Ça me fait un peu penser à ça. Hashtag t'es en couple quand elle insiste pour faire les amours mais plus jamais l'amour. T'es en couple quand t'as plus aucune motivation pour faire un régime. Hashtag t'es en couple quand tu te rappelles le prénom du mec à côté de qui tu réveilles. C'est vrai. Quand tu ne dis plus chez moi mais chez nous. Oh, c'est mignon. Et mes deux préférés, hashtag t'es en couple quand c'est toi qui achètes les tampons de ta meuf parce qu'il y avait une promo. Ouais, hashtag t'es en couple quand c'est pas de ta faute si on est un chiffre impair aux soirées. Ah, j'aime bien celle-là. C'est mignon. Bon, ben voilà, c'est pas très grave. Une petite embrouille, tant que c'est que ça. Ouais, ça va, hein. Oui, mais bon, c'est un message à tous les mecs quand même, quoi. Ah oui, voilà. Et puis tu voulais faire un défoule room. À mon Tommy, quoi. Tu voulais faire un défoule room, donc tu voulais avoir 30 secondes pour te défouler contre lui. Voilà, c'est ça. C'est le principe du défoule room. J'espère que Tommy m'entend. Alors attends, je te balance le chrono, ma chérie. Le Défoule Room, puisque vous ne connaissez pas, on vient d'arriver dès lundi, je vous explique. Vous avez un coup de gueule, 30 secondes, pour dire ce que vous voulez, pour afficher la personne qui vous a emmerdé aujourd'hui. Et donc toi, c'est ton mec, Tommy. Voilà. On y va, 3, Tom. 2, 1, fais-moi rêver. Alors, Tom, si tu m'écoutes, et je suis sûre que tu m'écoutes, je veux dire que j'en ai marre, c'est terrible, tu en fous partout, tu sais pas pisser droit, alors, quand c'est pas ça, c'est la cuvette des toilettes, le siège que tu ne rabaisses pas, c'est insupportable, je sais pas ce que je vais faire, je crois que je vais demander à ta mère d'intervenir, j'en sais rien moi, mais il faut faire quelque chose, je sais que tu t'en fous, mais maintenant on habite ensemble, alors j'aimerais bien que tu fasses un petit effort, pour que tout le monde puisse aller dans ce petit endroit paisible. C'est bon, ça fait 30 secondes. Je crois que ton coup de gueule est passé, ma chérie. Je te fais des gros bisous, en tout cas, tu reviens quand tu veux dans l'émission. D'accord ? S'il y a encore besoin de l'afficher, n'hésite pas, on est là. Gros bisous, Johanna. Oui, oui. Bisous, ma Johanna. Bisous. À bientôt dans l'émission. Mamie Simone, oui. Elle est là, vieille. Oui, je suis. Dites donc, vous allez pas commencer. Ça va, Doudou ? Alors, déjà, je suis pas Doudou. Non, ça va pas, je ne t'aime pas. Va te faire voir, tête de nœud. Bon. Bonjour, mamie. Oui, bonjour. Bonjour, l'autre là. C'est pas ton équipe et ton racolé. Toutes tes copines, ouais, on les connaît. À force de zoner, ouais, on les a rôlées. Je suis abattu, je perds le fil. Et t'as pas un euro, fais pas de deal. Et t'as pas un kilo, fais pas le dealer. Je prends pas ça au sérieux, ouais, ça fait dealer. La grosse dandine, elle veut tout voir une humeur. Pourtant, c'est qu'une gamine. Mais comme elle s'ennuie, ce monde la fascine. Moi, je voulais m'en aller. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri. Moi je voulais m'en aller, et ce depuis ouais, tant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, ouais, de faire. Tu peux pas changer de forfait, t'ont abandonné. Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet. Et tu cours, continue de zoner. Donc tu sors, t'es beau. T'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon. Elle a vu tout ton zéyo. À partir de là, ouais, tu te casses les dents. Ouais, tu te casses les dents, tu dépasses les bancs. Tout ça parce que la femme est bonne. Mais toi, tu l'affectionnes, les consos s'additionnent. À la fin, c'est qui paye, bah c'est pas elle qui donne. Moi, je voulais m'en aller. Depuis ouais, tant d'années, j'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri. Moi je voulais m'en aller, et ce depuis ouais, tant d'années, j'essaie de faire le vide, souvent sourire, ouais, de faire. Merci d'avoir choisi Fun Radio. On est là tous les soirs, 20h-23h. Vos soirées ne seront plus jamais les mêmes. Oh yeah. Mike, le soir sur Fun Radio. Et je ne suis pas tout seul. Il y a Lorenza qui est là en face de moi. Ouais. Ma petite Coralie qui vous répond. Le numéro pour t'appeler ce soir, Coralie. 02 851 4x0. Et puis on a aussi les SMS au 3044. Et puis ma petite mamie Simone d'amour qui est là. Oui, dites donc, j'avais une question à vous poser, monsieur Mini. Alors rapide, parce qu'il faut que je parle d'un truc avec, et après on fait votre jeu. Oui, je voulais savoir, est-ce que moi aussi je peux venir dans votre lit pour manger votre saucisson? Non mais c'était pas le même saucisson, je parlais. Ah bon. Bon bref, j'ai maté la télé. Allez. Et bordel, je suis tombé. Fallait que je vous le présente sur le gars qui se la raconte le plus au monde. C'est qui? Il a un boulard. Laisse tomber. Je vous fais écouter, c'était dans Confession Intime. Ok. Alors attends. Ça Et Kevin. Voici mon grand salon des stars, hein, voilà. Aussi, voici mes toilettes de luxe, c'est une toilette des stars, bien sûr. Hein. Même quand j'ai fait mes petits besoins, il y a toujours moi, voilà. Je m'admire tout le temps, quoi. C'est moi la star. Voilà mon petit plan de travail, hein. Moi, je fais mon travail de star, mais sachez que je ne mets jamais les mains à la pâte. Je ne me salis pas les mains, c'est. Voilà, les stars ne me salissent pas les mains, de toute façon. Mon petit bordel, il est là. C'est mes cousines, voilà. Mon petit personnel qui viennent prendre, qui font ma lessive, qui font mon repassage. Donc, voilà. Non, mais c'est fou quand même. Ah non, mais je suis choquée. Non mais tu vois, c'est son problème. Dès qu'il est pas à la radio, Vince il fait son malin à la télé. Je te le dis, c'est son problème. Et ça c'est fait. Ça glisse. Après dimanche, match sur la terre. Ce qui arrive dans quelques instants. Ma petite mamie d'amour, il y a du monde pour jouer avec vous. Oui, 4 jours, vous m'avez déjà fatigué. Je sais. Noah est là, salut Noah. Bonjour. Salut. Ça va Bonjour. Mon pote? Ouais, ça va, tranquille. 16 ans, t'es à Petit Château et t'es là pour jouer avec mamie Simone. Ouais. Alors, elle va te chanter les 100 dance floor qu'on joue sur Fun Radio. C'est pas très dance floor aujourd'hui. Ah, c'est pas du dance floor, c'est quoi, Mamie Simone? Non, c'est plutôt du wesh wesh. Ah. Racaille. Hey. Le son de la street, elle va te chanter, Mamie Simone. Par contre, Noah. J'ai une doléance. Oui, alors allez-y, Mamie Simone. Oui, est-ce que la blonde peut se taire? Merci. Et Noah, bah si non, tu, je veux pas me taire, Mamie si Simone. Si tu sais te mettre dans un endroit où ça capte, où il y a un petit peu moins de bruit, c'est cool. Merci. Noah, tu te concentres bien sur les paroles? Ouais. Parce que Mamie Simone va te faire une interprétation à la Simone, quoi. C'est. Sans presse. C'est assez théâtral. Mamie Simone? Oui, bah je vous attends, moi, vous faites que parler! Vous chauffez pas la voix? On est bien. Allez-y, son numéro 1, vous essayez de trouver chez vous à la maison ce que chante Mamie Simone. Petit frère n'a qu'un souhait: devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. Hein, monsieur Mick? T'as trouvé, Lorenza? Non, je vois pas du tout, c'est dur. C'est là. Aucune idée. Vous êtes bien nul, petit frère, n'a qu'un souhait, devenir Noah. Grand. Noah, t'as trouvé ou pas? Ouais, non. Bon, il fallait répéter petit frère, je pensais ça, Mamie Simone. Bah, petit frère! Ayam. Ah oui! Pas. À l'ancienne, Mamie Simone. Qu'est-ce qu'elle connaît pas, mais vous êtes nuls! En même temps, Noah a 16 ans, donc je crois pas qu'il ait connu ça. Hein. Oui, bah c'est pas de ma faute si vous prenez des enfants! Putain, d'ailleurs, puisqu'on est dans le rap à l'ancienne, la semaine prochaine, Daddy K dans l'émission. Oh, ça y est! Mamie a un orgasme. Oh, il est là! Oh là là! Il va arriver! Oh! Pourquoi vous me dites ça maintenant? Oh là là là là là là! Oh, il va venir! Je t'embrasse, mon daddy! Je t'embrasse! Oh. Bon, c'est bon? Il sera là mercredi. Non, mercredi, je serai là aussi. Oh. Allez-y, extrait numéro 2, puis ce sera le dernier, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, bah oui, vous ne faites que parler. Il y a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Il y a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Il y a comme un goût de bœuf dans l'oxygène que l'on respire. Me demande pas ce qui les pousse à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille. T'as pas fait le refrain, Ouais. Vous avez pas fait le refrain, mamie. Et je vous emmerde. Alors, tu l'as ou pas? C'est une chanteuse qui n'est plus chanteuse. La boulette. Ouais, ouais, c'est bon. Et bah, c'est gagné, Noah. Ouais, bravo. Bravo, oui. On te gère du cadeau, Noah. Ok, merci. Ça peut te faire plaisir, raccroche pas en plus. Je vais faire une petite dédicace. Mais à l'aise, je t'en prie. Ah, je fais une dédicace à ma copine Esther, je t'aime bébé, et à mon pote Nicolas de suite. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Canard. Salut mec, à bientôt Noah. Ciao. Ouais. Salut. Je te laisse, je crois qu'il y a un train qui arrive. Est-ce que je vous ai dit que mon chéri Daddy K venait la semaine prochaine? Oui, il sera là mercredi, mamie non, Simone. Il sera là mercredi. Oh oui. Je suis tout excité. C'est tout? Oui, bon, bah, je ne vais pas partir dans des propos trop injurieux cette heure-ci. À tout à l'heure. So many things I see. And then I say to myself, it's never as it seems. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No Batman on your destiny. Leave me alone, let me. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live it up, live it up. Leave me alone. Leave me alone. Bonsoir la famille, merci d'avoir choisi Fun Radio. On est en direct dans quelques instants. On va se faire le Lorenza Full Bordel. Ouais, j'espère que ça va aller. Hein. Vous avez envie de tester la fidélité de votre mec, vous vous inscrivez maintenant au 02851 4x0 ou sur les SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Tiens, vite fait, avant de s'écouter David Guetta dans un instant, dans l'actu, ma petite Lorenza, j'aimerais te présenter le con du jour. Ouais. C'est en allemand. Mm-hmm. Il s'appelle Wenzel Smart. Très beau nom. Et il faisait tranquillement la file au supermarché en attendant. À la banque plutôt, dans une banque qui est dans la ville de Friedrichshafen. Très bel accent aussi. Merci beaucoup. Donc il faisait la file jusqu'au moment où il a sorti son arme pour braquer le caissier et exiger un euro avant de faire feu deux fois et de repartir sans le fameux euro en question. Il est ouf. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, résumons. Un braqueur fait un casse pour un euro à Friedrichshafen en Allemagne. Donc en fait, Derek, c'est la vraie vie des Allemands. Faut que je me recouche, je suis pas bien là. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Salut tout le monde, c'est Samy. Et Chloé. Cette saison, on se retrouve tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 19h, en direct. Wouh ! Merci Chloé. 16h-19h, c'est Samy et Chloé sur Fun Radio. Vous voulez participer à l'émission ? Rendez-vous sur la page Facebook Samy et Chloé. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique. Basic Fit, ouvert à tous, à 19,99€ par mois. Avec plus de 170 clubs en Belgique, il y a toujours un Basic Fit près de chez vous. En ce moment, fitness gratuit jusqu'au 1er novembre et un sac offert. Offre sous condition, voir sur basic-fit.be. CEA fait 20% de réduction sur toute la collection enfant. Hein ? 20% de réduction sur toute la collection enfant chez CEA. Combien ? 20%, on y va ! Maintenant chez CEA, 20% de réduction sur toute la collection enfants, en ligne et en magasin. Fun Radio, le son Dance Floor. I ain't gonna fall back, no. All right, I'm taking on me, baby. All right, I ever ask, are you gonna be my lover tonight? I take you with me, What if I left and it made no sense? And you tell your friends and they call your hands, baby, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind. 22h23h, Mike M-I-K-E le soir sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Sur Fun tous les soirs, prenez la parole. A space of freedom and no judgment. 02 851 4x0 Mike sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi la famille. On est là comme chaque soir, on vous accompagne jusqu'à 23h. Quoi que vous fassiez ou que vous soyez, on est là pour vous gérer la bonne humeur, les barres de rire pendant toute la soirée, avec dans quelques instants le Fun Games qui arrive avec monsieur David Kaufman. Il va pouvoir l'appeler Papa Noël, hein, lui. Bah oui, tu n'es pas venu les mains vides. Encore, je ne sais pas s'il a ramené, mais à mon avis, c'est encore très très lourd. Ouais. Lundi, mardi, on vous a offert une boîte collector World of Warcraft. Et ce soir, nouveau Fun Games avec Kaufman. Toute l'actu des jeux vidéo à se faire dans quelques instants sur Fun Radio. Il y aura aussi Maître Gims. Côté son dance floor, on va se faire Core Lesson. Et tiens, sur internet ce matin, je viens de lire une info qui arrive de l'étranger, des Pays-Bas, de nos voisins. Ouais. Tu connais la spécialité des Pays-Bas et d'Amsterdam? Oui. Je pense que c'est une petite substance verte qui rend joyeux. Oui, le cannabis, l'usage récréatif est légal là-bas. Ouais. Bah, c'est raccord puisque, en fait, il y a eu un groupe de personnes qui s'est mobilisé et rassemblé sous le nom de l'association Smoke Every Day et se sont fixé un objectif, intégrer le livre des records. Ok. Comment? En roulant et en fumant le plus gros joint de marijuana du monde. Déjà, on rappelle que fumer, c'est mal, c'est illégal, mauvais. C'est pas bien chez nous. Ils projettent de faire un pétard d'un mètre. What? Bah, mais quand même. Un pétard d'un mètre, autrement dit, pour Doc Gynéco, un petit déjeuner. Clairement. On va saluer Justine qui est là. Salut Justine, bonsoir. Bonsoir. Hello Justine. Bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Justine. Ça va bien? 22 ans, t'es à Anderlecht, ça? Oui, c'est ça. Ta journée s'est bien passée? Ouais, ça va, ça a été. Tu travailles dans quoi, Justine? Alors, je travaille dans un bureau administratif. D'accord, très bien. Pour la commune. Voilà, exactement. Justine, ma chérie, on va s'occuper d'essayer de vérifier si tu sors avec quelqu'un de bien. Puisque tu es en couple avec Jérémy, il a 24 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va bientôt faire 4 ans. Ah ! C'est blindé, donc j'espère. Qu'est-ce qui te fait douter ? C'est quoi les petits trucs ? Déjà, vous avez passé le cap des 3 ans déjà. Ouais, ça, c'est déjà un fameux cap. Ouais, déjà. On s'est mis ensemble il y a pas. Enfin, on s'est installé ensemble il y a pas très longtemps. D'accord. Et ça fait 2 semaines que, je sais pas, je me sens un peu bizarre. Quand il est pas à la maison, il envoie pas trop des messages, je dois un peu insister. Mais ça, c'est peut-être normal au début. Quand on a marre, enfin, pas quand début, on a marre, mais. Ouais, au début, t'envoies tout le temps des SMS à ton mec non-stop. Voilà. Et puis après, au bout de 4 ans de couple, il t'envoie un SMS par jour, c'est mange quoi ce soir, quoi. Ouais, voilà. Attends, si en 2 semaines ça change comme ça, c'est bizarre quand même. Ouais, si ça c'est change, clair. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Mais quoi, il t'envoie pas beaucoup de SMS, c'est-à-dire, il t'en envoie combien par jour ? Mais il m'en envoie quasiment pas en fait, c'est tout pour moi qui dois envoyer et tout. Alors qu'à la base, c'est quand même quelqu'un qui en envoie beaucoup. Il te répond direct quand tu l'envoies ou il fait tarder ? Ça dépend, il répond vite fait. Je sais pas. Il sort un peu quoi. Bizarre. Ah ouais, genre il répond en speed, il est occupé quoi. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Ouais, voilà. Et il est pas avec ses potes, c'est pas une raison toute conne quoi, parce qu'il est peut-être en train de paranoïer, Justine. Bah, des fois il est au travail, des fois il est avec ses potes, mais je sais pas, c'est bizarre. Avant il faisait pas. Bon, on va vérifier ça, on va essayer de s'en occuper dans quelques instants. C'est Lorenza qui va tenter de foutre le bordel dans ton couple et j'espère qu'elle n'y arrivera. Tu bouges pas ? J'espère aussi, ouais. J'ai vu ton visage apparaître dans les flammes. Je préfère encore te contempler tout comme un gamin. Car tu es l'esprit du malin. Avec toi, impossible de savoir à quoi s'attendre. Tu changes de peau, tu te glisses dans des draps de satin. J'aurais préféré ne jamais croiser ton chemin. Oh oh oh. Un jour tu me dis des mots doux, tu me fais savoir qu'on est intime. Un jour tu me laisses dans le doute et tu fais de moi ton ennemi. Je ne sais plus à quoi m'attendre, dis-moi ce que je n'ai pas compris. Dévorer tous les hommes. Et d'après la rumeur, tu ne souris jamais. Tu prendras tout de moi, tu me laisseras seul enchaîner. Est-ce que j'ai tort ? Non, je savais. J'avance vers toi, les courbes de ton corps m'assomment. Tu diras, j'ai récolté tout ce que j'ai semé. Attends 2 minutes, j'ai déjà vécu la scène. Oh oh oh. Un jour tu me dis des mots doux, tu me fais savoir qu'on est intime. Un jour tu me laisses dans le doute et tu fais de moi ton ennemi. Je ne sais plus à quoi m'attendre. Ce que je n'ai pas compris. Accorde-moi de ton temps. Je ne t'ai demandé qu'une nuit. Comme la sonne. Dis-moi pourquoi tu fuis. Toi, qu'est-ce que je suis, Nicolas? Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait. Ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête. Ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête. Ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête. Ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Nicolas, dis-moi pourquoi tu fuis. Toi, qu'est-ce que je suis, Nicolas? Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait. Où est-ce que tu vas? Non, non, ne t'en vas pas, Nicolas. Corazon. Corazon. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir choisi Fun Radio, on est là comme chaque soir. Vos soirées ne seront plus jamais les mêmes. Mike, le soir sur Fun Radio. On est en direct dans quelques instants. Lorenza se prépare à foutre le bordel dans le couple de Justine. J'espère que ça va aller pour toi, Justine. Je croise les doigts. On espère. Justine qui veut tester la fidélité de son mec. On va s'en occuper comme on le fait chaque soir sur Fun Radio. Et comme on le fait deux fois par semaine, il y a Kaufman qui est avec nous. Bonsoir. C'est le Fun Game. Ça va bien, mon Kaufman? Ça va bien, et vous? Bah ouais, toujours quand t'es là, toujours quand t'es dans le coin. Je sens ce vent de liberté qui me souffle dans la figure. Et tu sais, la dernière fois, j'avais envie de le crier une bonne fois pour toutes. Libertad! Et j'avais envie de m'enfuir par la fenêtre et vous laisser comme ça, tu vois. Kaufman, toute l'actu des jeux vidéo, on se la fait dans le Fun Games. Comme Oui. Qui, autour de la table, aime bien conduire, se prend pour un petit fou du volant? Moi, j'adore. Moi, j'ai pas le permis. D'accord, c'est encore mieux, Mike. Oui, moi, je conduis. Oui, c'est moi qui conduis, puisque sinon, c'est Coralie. Donc, D'accord. Moi, je vous propose de découvrir le jeu F1 2018. C'est la 10e édition du jeu. Et pour le coup, c'est pas mal fait. Il y a deux modes distincts. Le mode solo, qui te permet en fait de faire une carrière de vrai pilote de Formule 1. Tu choisis ton écurie. C'est comme la carrière dans FIFA. Exactement. Tu customises ta monoplace. Cool. Tu te mets au diapason avec tes techniciens. Tu fais les interviews. C'est extrêmement complet. C'est extrêmement réaliste. Et en plus, chaque année, il s'adapte aux nouvelles règles de la FIA, donc de la Fédération Internationale Automobile. Et donc, il y a des difficultés supplémentaires qui viennent s'ajouter. C'est vraiment très, très réaliste. Le but, c'est pas de rouler le plus vite, c'est de rouler le plus intelligemment possible. Si tu penses arriver sur la piste et mettre tous les concurrents. T'as vraiment une partie stratégie. Exactement, ouais. Tu dois construire la stratégie de course. Il s'agit pas de mettre les concurrents sur le bas-côté. Et puis, t'as l'autre facette du jeu qui est la facette multijoueur. Cette fois-ci, tu te bats contre des autres joueurs en ligne. Et ce qui est assez sympa, c'est le système de classement qui te donne non seulement des points quand tu arrives en bonne position, mais qui en plus te donne une petite note de fair play pour éviter que tout le monde commence à foncer dans tout le monde dès le départ. Et donc forcément, ça équilibre un petit peu les choses. Le jeu est vraiment très bien fait. On avait un peu peur après 10 éditions annuelles. On se disait, ça s'essouffle un peu, c'est peut-être pas terrible. Et non, pas du tout. Ils ont su se renouveler. Et la très bonne nouvelle, c'est que dans quelques minutes, on va pas vous offrir un jeu. On va pas vous offrir deux jeux, mais on vous offrira trois exemplaires du jeu F1 2018 sur la console de votre choix. C'est moi qui régale ce soir. Je j'ai pas apporté à manger, mais j'apporte les jeux vidéo. Kaufman, le Père Noël, qui est tout en rouge en plus aujourd'hui. C'est la couleur du sang aussi, fais gaffe. On envoie jeu, c'est la couleur de la liberté également. Oui, c'est vrai. On envoie jeu maintenant 63-22. Jeu 63-22. Et donc, Kaufman, tu lâches trois exemplaires. Trois exemplaires, c'est ce qui est dit sur la console de votre choix. Ça vient de sortir, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Et c'est chez Mike, d'abord. F1 2018, Kaufman vous l'offre avec Smart Toys ce soir dans le Fun Games. Vous envoyez jeu au 63-22. Tu restes dans le coin, mon David? Bien sûr. On va récupérer quelqu'un dans quelques instants. Et puis juste avant, un peu de son dance floor, voici Sib. I do. Now and then I get a bit impatient. Too much information. I'm trying so hard not to give a fuck. Bleeding out on the living room rug. But I pay a million bucks to think about anybody else but you. Drink about anybody else but you. Talk about anybody else but you. You can't stop picturing my lips on you. We do, I bet. Beggars can't be choosers. Telling you the truth, you make it so damn hard to just not give a fuck. Bleeding out on the living room rug. But I'd pay a million bucks to think about anybody. Bonne soirée sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi la famille. On est là avec vous tous et vous toutes. Il y a Lorenza, il y a Coralie qui s'active au standard. 02 851 4x0, le numéro pour joindre le standard, pour nous raconter votre journée. Et puis il y a Kaufman, le Père Noël de la radio, qui est venu avec un nouveau jeu qui vient de sortir là sur, sur toutes les consoles. C'est le F1 2018. Exactement. Et puis on vous proposait il y a un instant de le remporter. Tu sens, Mike, ce vent de liberté qui souffle en radio. Ce vent de cadeau surtout. Ce vent de cadeau, c'est exactement ça. Vous envoyez jeu maintenant au 63-22. On en offre 3 ce soir. 3, ouais. Et c'est on va ça. Récupérer un tout de suite. C'est pour Mehdi. Allô, Mehdi, ça va? Oui, bonsoir, ça va, oui. Hello. Tranquillement, bienvenue, Mehdi. Tu m'appelles de Forêt, c'est ça? Oui. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Coffreur, chef d'équipe, coffreur. Ah, tu quoi? Tu construis des coffres? Non, c'est déjà des coffrages en béton. Oui, j'avais compris, je te jure. Je travaille aussi dans le bâtiment, dans le BTP. On m'a déjà posé la question, hein, donc. Bon, attends, envoyez jeu au 63-22? Ouais, il y a 10 secondes. Ouais, bah c'est bon. Bravo! C'est gagné. Merci beaucoup. Génial. C'est pour mon gamin, donc c'est génial. Le fiston, il s'appelle comment? Hugo. Il joue sur quelle console? PS4. Eh ben on t'envoie ça, on gère ça. C'est Kaufman qui régale. Là. Voilà. Je vais lui dire, génial, merci beaucoup. Salut frérot, et tu lui dis d'écouter Fun Radio du coup, hein? Merci beaucoup à vous. À bientôt, salut Mehdi. Bientôt. Bah, pour faire comme Mehdi, pour offrir ou pour vous, hein, vous envoyez jeu maintenant 63-22. Deux autres gagnants, on les prendra tout à l'heure après 21h. Ça vous laisse un petit peu de temps de vous inscrire. Jeu au 63-22. On revient dans un instant? Yes. À tout de suite. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno sur Fun Radio. Tu m'as envoyé une facture correspondant à des vacances, visiblement. Qu'est-ce que c'est-il? Oui, on est parti en week-end début août avec mon copain. Vous étiez dans une canadienne ou vous aviez loin mobilhome? Dans une toile de tente. La canadienne, c'est une tente de place. C'est pas une femme qui vient du Canada. Calice de Chris. Sortez de ma culotte. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique. Basic Fit, ouvert à tous, à 19,99€ par mois. Avec plus de 170 clubs en Belgique, il y a toujours un Basic Fit près de chez vous. En ce moment, fitness gratuit jusqu'au 1er novembre et un sac offert. Offre sous condition, voir sur basic-fit.be. Fun Radio, le son dance floor. Feel the love. It's a cool, cool world. rejoins le mouvement. Follow us, follow us. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Let's go! Hey, it's Ariana Grande on Fun Radio. Fun Radio is my radio. Fun Radio. Ran out, but boy, I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop, can't stop, so shut your mouth. The colors in you, I see them too. And boy, I like them, I like them, I like them. We're way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop, so shut your mouth. Soirée, merci d'avoir choisi Fun Radio. On est là jusqu'à 23h. Et comme le disait un grand philosophe, vos soirées ne seront plus jamais les mêmes. Mike, le soir sur Fun Radio. Un petit peu de Maggie System ne fait pas de mal. Avant d'attaquer le week-end, les amis, on est là avec Lorenza, avec Coralie. Il y a Kaufman qui est là et on vous offre des jeux F1 2018. C'est 2018, hein, c'est ouais, ça. Oui, 2018, c'est ça le nouveau. Ça vient de sortir, hein, là, c'est le nouveau. Ouais. Qui vient de sortir, vous envoyez jeu au 6322. On en offre 3 ce soir, on en a lâché un il y a quelques instants. Et bah, les deux autres, c'est peut-être pour vous. Jeu au 6322, on vous laisse encore bah, quelques instants sur Fun Radio. Le temps de récupérer Justine, qui est toujours là. Toujours là, Justine? Oui. Bon, Justine, t'as 22 ans, t'appelles d'Anderlecht et tu es en couple depuis 4 ans avec Jérém, il a 24 ans et vous habitez ensemble, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous habitez ensemble? Ça va faire bientôt 5 mois. Et qu'est-ce qui te fait, enfin, est-ce que devant toi, avec toi, il a toujours les petites attentions ou il est même distant quand vous êtes ensemble, tu vois, quand, que pas que par SMS, tu vois, en général, dans la vie de tous les jours, comment il est? Bah ouais, depuis quelques temps, moi je le trouve un peu distant. Alors au début je me disais ouais, c'est parce qu'on habite ensemble, alors peut-être qu'il en a un peu marre, il a envie de voir plus ses potes et tout, mais... C'est possible en soi. Mais est-ce que t'es pas aussi tout le temps en train de le harceler de messages et tout, peut-être qu'il en a marre aussi? Peut-être, j'avoue, peut-être. Tu lui envoies vraiment beaucoup de messages? Non, j'en vois pas beaucoup, genre normal pour avoir des nouvelles. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, je le sens bizarre, je sais pas, je sens que c'est bizarre. Ça, on va vérifier si tu pars un œil ou si c'est justifié, ma petite Justine. Lorenza va s'occuper de foutre le bordel dans ton couple. On espère qu'elle n'y arrivera pas. Mais en tout cas, les choses seront claires. Ouais. Voilà. Au moins, tu seras fixé. Ouais. C'est clair, Justine. Au moins, je saurai. Si tu dois rendre les clés ou pas. On y va, on appelle Jérém. Dès que ça sonne, c'est à toi, Lorenza. Ouais. Tu me le chauffes comme d'habitude. Ça va. Si ça tourne mal, t'interviens quand tu veux. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, Jérémy ? Lui-même ? À qui ai-je l'honneur ? Je me présente, je sais que ça va faire bizarre parce qu'on ne se connaît pas comme ça, mais je m'appelle Lorenza. Lorenza ? Oui, oui, on se connaît pas, t'en fais pas, mais je vais t'expliquer parce que je sais que ça doit paraître super space. En gros, vas-y, je t'écoute. En gros, j'étais au Duke samedi. Ah, ouais. Ouais, ça m'inspire, ouais. Ouais, et tu vois ton pote Max ? Ouais. Il m'a donné ton numéro. Mais non. Si, parce que j'ai eu... Ah, quel enfoiré, ouais. En gros, j'ai flashé sur toi. Moi, je suppose... Oh. Je sais pas si tu me reconnais, enfin peut-être tu vas me reconnaître, j'étais la meuf, j'étais super bien habillée, j'avais ma petite jupe noire et mon top rouge, et j'ai quand même eu... Ah ouais, c'est toi, ah, ouais, c'est trop bien, t'étais près du bar, non ? Ouais, j'étais un peu partout, enfin je suis un peu une fofolle, donc j'aime bien danser, j'aime bien m'éclater, j'aime bien faire des nouvelles rencontres et tout ça, et ça te semblait un peu fou, mais je voulais savoir si t'avais envie d'aller boire un verre avec moi ou qu'on se rencontre. Carrément ? Ouais. Ah je t'avoue, j'aurais pas dit non, mais bon, je t'avoue que là, vu ma situation, ça serait peut-être un peu compliqué, quoi. Ta situation ? C'est-à-dire ? Ouais, on va dire que je suis pas tout à fait seul, quoi. Je suis dans une semi-relation, si on peut appeler ça comme ça. Ah, et bon, okay. Je commence déjà à rentrer dans de nouvelles rencontres, là maintenant, enfin... Tu vois, pourquoi pas très cool, quoi. Pourquoi t'appelles ça une semi-relation ? Ça va pas trop ou... Moi, non, exact. C'est vraiment ça. Ça va pas vraiment. Comme cela maintenant, ça va faire quelque temps qu'on vient ensemble. Mais bon, depuis qu'on a emménagé, ça va pas vraiment. Elle est jamais à la maison. Elle travaille tout le temps. Elle rentre jamais avant minuit. Quand elle est là, elle c'est pour dormir sur le canapé. Enfin, tu vois, c'est pas trop une vie, quoi. Okay. Du coup, à mon avis, je pense que ça risque de prendre une tournure chacun de son côté. Et quand j'entends ce que tu me proposes, c'est vrai que ça aurait été intéressant, mais bon, peut-être que c'est un peu rapide, t'en penses pas ? Mais je t'avoue que moi aussi, je suis casée. Allez ! Mais ouais, mais c'est... Voilà, surprise, je vois que t'appelles. Je t'avoue, j'ai craqué, j'ai flashé et je me suis dit, on peut être un peu fou une fois dans sa vie comme ça et se lâcher et se dire que... profiter de la vie et de toute façon elle en saura rien, mon gars n'en saura rien non plus et voilà, donc c'est vraiment pour s'éclater même le temps d'un soir ou de voir si même on peut continuer plus loin, j'en sais rien, mais c'est vraiment je t'avoue, on va pas parler de coup de foudre non plus, mais j'ai flashé, quoi. Ah, mais en tout cas, moi, je te refais mes compliments, parce que si c'est bien la fille au top noir, c'était vraiment très très jolie, et ton appel, en tout cas, me flatte vraiment beaucoup. Je t'avoue, je suis limite en train de rougir, là, mais comment dire, j'aimerais qu'on fasse ça quand. Je m'attendais pas à ce que... ça me fait trop plaisir, Pourquoi pas, t'as raison, on n'a qu'une vie, donc... Si t'es libre ce soir ou ce week-end, parfait, moi je me libérerai pour toi. Je t'avoue que ça m'arrangerait plus ce week-end. Après, comme je te l'ai dit, aller chez moi, ça risque d'être un peu difficile, mais bon. On ira chez moi alors à ce moment-là. Ah bon, directement, ouais. Ça te dérange pas ? Non, pas du tout. Tu m'as pas encore vu et tu m'invites déjà chez toi ? Je t'ai vu, je t'ai croisé de loin, j'ai flashé. T'as encore parlé, quoi. Ouais, je vois, le feeling il passe, tu vois, je le sens. Ouais, donc, c'est vrai. J'avoue, je trouve aussi qu'il y a un petit feeling entre nous. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai juste une pote qui est là à côté de moi, elle aimerait bien te parler, elle aimerait bien te dire quelque chose. Quoi, elle aussi, elle a flashé sur moi ou quoi? Ah, tu vas voir. Ouais, dis pas ça. Allô, Jérémy? Allô? Ouais. C'est Justine. Salut bébé, ça va? Ça va? Salut bébé, quoi. Ouais, ça va et toi? Ça va, là, t'es bien? Tu te sens bien? Ouais, ça... Apparemment, t'es pas libre ce week-end, c'est ça l'histoire? Non, ça a à voir. Je voulais juste aller boire un verre avec Max. La meuf m'appelle, elle me dit qu'elle connaît Max. Elle me dit, on va aller boire un verre tous ensemble, enfin... Tu vois ? Écoute, je viens d'entendre tout ce qui vient de se passer, donc ça sert à rien de me mentir, en fait. Mais attends, j'ai rien fait, là. Ça sert à rien de me mentir, j'ai tout entendu. En plus, la meuf, visiblement, tu l'as capté, puisque t'étais là, ton haut noir, machin, je sais pas quoi. Mais c'est ça que tu fais tous les week-ends, en fait. Directement, tu vois comment t'es? On peut pas parler avec toi. Directement, tu montes dans les tours. Parce que j'accède à les bras avec une meuf, d'ailleurs, t'imagines le pire. Mais enfin, arrête! Désolée, j'étais pas au courant que apparemment notre relation n'allait pas bien et que ça allait bientôt se terminer. Je la prends maintenant, apparemment. Arrête de faire semblant, s'il te plaît. Mais arrête, tu racontes ça à toutes les filles, en fait. Mais rien à voir, c'est même pas moi qui l'ai appelée, cette meuf. C'est même pas moi qui l'ai appelée, même pas son numéro, t'es sérieux ou quoi? Et puis, arrête un peu, mélange pas tout. Tu veux aller boire un verre avec elle, mais tu rigoles ou quoi? Mais pourquoi pas? C'est quoi le problème? Tu vas jamais boire des verres avec tes collègues, toi? Mais enfin, il y a boire des verres et puis il y a boire des verres avec des connasses au Duke. Franchement, t'exagères. Lorenza, tu es une connasse, c'était pour toi, je crois. Mais non. Lorenza, voilà. Lorenza, t'es une connasse. Mais bon. Non, mais si tu fais ça tous les week-ends, tu fais ça tous les week-ends avec les filles à des filles. Rien à voir. L'embrouille. Tu m'en parles pas. Pourquoi tu m'en parles pas? Tu veux que j'en parle ici maintenant? Tu veux que j'en parle au téléphone? Non, on va pas en parler ici maintenant. Bah, sans blague, donc vas-y, arrête, c'est bon, alors, je sais pas pourquoi je te parle. Alors. Attends, parce que, ouais, là, c'est chaud, là, quand même. Ouais. Lorenza m'a foutu un de ces bordels. Tu vois, je sais même pas quoi dire. Le darwa qu'elle a foutu, là. C'est malade, quoi. Lorenza, en tout cas, Jérémy, je t'en ferai jamais, hein. Jérémy. Ouais, allô. Bon, hey, bonjour. Allô. Je m'appelle Jérémy, Mike, en fait. Calme quand on est un bâtard comme toi. Jérémy, ouais, salut. Pour le coup. Mike, calme ta pote, là, parce que ça va pas le faire, là. Je m'appelle Mike, on est en direct sur Fun Radio, en fait. Et, bah, malheureusement, t'es tombé dedans. Jérémy, frérot. Ah, les enfoirés. Ah ouais, mais sauf que c'est vraiment ta meuf qui est au téléphone, oui, et qui appelle, hein. Elle appelait vraiment pour tester ta fidélité. Putain, vas-y, non, c'est pas possible. J'espère qu'elle va pas croire à tout ce montage. S'il te plaît. Quelle baratineur. Je me suis fait piéger, arrête. Ouais. Mec, je suis pas comme ça. Elle est encore là? Oui. C'est ça. Non, dis s'il vous plaît, dis-lui que je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Non, bah, écoute, on a eu la preuve par un plus B. Jérémy, t'es le roi des bâtards. Je suis désolée. Je veux juste aller boire un verre entre amis, tranquille. Il faut pas me prendre pour. Enfin, je sais pas. Justine, tu m'entends? Les écoute pas. Ouais, je suis pas comme ça. Il est énorme. Vas-y, profite-en parce que son appel ça s'en rappelait encore souvent. Bon, qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y, conclue, Jérémy. Non, ça m'a saoulé, c'est bon. Moi, je dis plus rien. On verra seulement ce soir. Rappelez-vous en antenne, amis. Ouais. Bah, vas-y, raccroche-moi, Jérém. Ouais. Merci, Jérém, d'avoir. Bon, wow. Et puis, mais Justine, on t'a récupéré. Écoute, au moins, t'es fixé. Ouais, ah, c'est un enculé. Ben, ouais, merci. Mais il est drôle. C'est un drôle enculé. C'est un drôle de Arrête la pauvre. Elle doit être super mal. Dis pas qu'il est drôle. Franchement, je vous le laisse. Hein. C'est juste un connard. Non, mais écoute, un de perdu. 10 de retrouvé, Tinder de réinstaller. Ah, non, j'allais dire, c'est la vie de foutu. Mais non. réinstalle Tinder. Qu'est-ce que je te dise. Tape-toi son meilleur pote. Voilà, tape-toi le max là, ouais. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Ah, je suis désolée, ma Justine. Pardon, c'est... Justine, oh, ouais. Je m'en veux, mais non, c'est comment tu grave, sais, voilà. Tu vois. Bah ouais, maintenant t'es au courant, t'es fixé. Ça va. Bah ouais. On va te reprendre en antenne, Justine. Ouais. Raccroche pas, je te fais des gros bisous, ouais. D'accord. Ça va. Gros bisous. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house. Are you crazy? You said you were home, but I saw on your story you out till the morning, not alone. So now you're gonna call, ring ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? Ring, ring. Are you there? Hello. Fucking with another. If you make it out alive, maybe you can make this right. Maybe you can make this right. Oh. Cause so many times I told you, the next time I'll be colder to you. To you. No more late night. purple pickle. Pulling up, drop top, two seats. We in Vegas, ooh, I made it. She wanna take a picture with me cause I'm famous. Count the money up, I know they hate it. It was on one night, we never dated. Made back in the back and we faded. Stacking up the paper, we got paid. And I'm straight, they gon' hate. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. Bonne soirée. 20h-23h, Mike sur Fun Radio. Merci d'avoir choisi Fun Radio. On est là avec Lorenza, Coralie qui check les réseaux sociaux, le Facebook Coco. La page Mike Fun Radio pour envoyer vos messages et vous inscrire pour tous les jeux que vous voulez. Vous pouvez nous appeler au 02-851-4x0. Et Kaufman est avec nous pour le Fun Games aussi. Oui, monsieur. Et surtout pour offrir les deux derniers exemplaires là, de Formule 1 2018. Il y a personne qui suit, ça fait plaisir. F1 2018, ça vient juste de sortir et on l'a déjà pour vous sur Fun Radio. Avec Smart Toys, on vous l'offre. Vous pouvez nous envoyer un message maintenant. Vous envoyez jeu au 6322 et on va prendre les deux personnes dans quelques instants. On va s'écouter aussi du son. Et puis je viens de lire une interview. Je voulais vous en parler puisque c'est Franck des Two Biscuits. Qu'est-ce qu'il veut ? Il se lâche dans une interview. Alors déjà, il s'appelle Franck Delay. C'est pas Franck des... parce que moi je pensais que son nom de famille c'était des Two Biscuits. C'est Franck Delay. Et il explique être en couple avec une femme, qui aime aussi les femmes. Okay. Et dans cette interview qu'on va vous mettre sur le Facebook Mike sur Fun Radio, il raconte ses aventures. C'est assez hot. Et moi je parle des Toubitri parce que j'ai un grand et un profond respect pour les Toubitri. Ah bon? Ah bon? C'est des mecs de parole, les Toubitri. Ils ont chanté ça. Attends, ils ont chanté. Hop. Oh merde. En même temps, leur leader est mort. Il va me gâcher les vannes. Et voilà. Dimitri Vegas dans un instant. Et comme promis, Lorenza, on a un petit jeu qui te concerne et qui est là pour jouer avec nous, Coco. C'est Simon qui est là. Salut Simon. Salut équipe. Hello. Ça va Simon? Ouais, la forme et vous? Bah oui, tranquillement. Bienvenue dans l'émission, mon Simon. On va jouer ensemble à un jeu qui s'appelle la justice téléphonique. Ouais. Alors, Lorenza est très inquiète. Alors, je t'explique le principe. Je vais te poser 5 questions. À chaque fois que tu réponds faux, je donnerai à chaque fois 2 chiffres du numéro de téléphone de Lorenza. Non. Ah oh, mais le bâtard. Et la semaine prochaine, c'est avec Kaufman. Le bâtard. Es-tu prêt? Je suis prêt. C'est le jeu de la justice téléphonique. Simon, je compte sur toi, s'il te plaît. C'est des questions qui sont tout à fait accessibles. Combien coûte l'application? Où est Charlie sur le Play Store? Et c'est des questions de bâtard. À 1 centime près. C'est la possibilité quand même. Le grand seigneur. Je dirais 2,99. Et on était sur 2,39, malheureusement. Donc Coralie va donner les deux premiers numéros. 04. Forcément, ça va, on est gentil. Quel est l'indicatif pour appeler au Pérou via la Belgique? Oh putain. Non. C'est des bâtards. Plus 14. C'était plus 51, malheureusement. Plus 14, c'est la Suisse. Donc 04. 77. Notez bien le numéro de Lorenza. 04 77. Elle est chez Proximus. Justement, Proximus. En quelle année Proximus est-il entré sur le marché des GSM? Question facile. 87. Et c'était en 94, malheureusement. 87, mais merde, quoi, putain. Concentre-toi, Simon, s'il te plaît. 04 77. 32. Non, les gars. Il reste 2 chiffres. En heure. Quelle est l'autonomie de l'iPhone 6 en lecture de vidéo haute définition? Wow. Oh, attends, c'est simple. Easy. Bah, est-ce que j'ai des minutes de battement ou c'est... Oui, tu peux prendre 5 minutes pour réfléchir, si tu veux. Non, vas-y, dis-moi. Alors, je dirais 2h54. C'était 11h. Non, je te jure, c'était 11h. 11h, c'est impossible. C'est faux. Elle est en train de devenir aigrie, Lorenza. Ça fait 2 chiffres en plus. Donc on était sur 04, 77, 32, 10. Attention, putain, les amis, notez bien. 04, 77. Ah, merci. 32, 10. Mais attends, j'ai regardé, vous donnez vraiment son numéro de téléphone. Oui, c'est vraiment son numéro de téléphone. C'est son numéro de téléphone, bien sûr. Ce qu'elle va dire, il reste une question, Lorenza. Une seule question. Tu seras obligé de donner l'intégralité de ton numéro. Okay, et je compte sur vous pour appeler Lorenza à fond, la saouler à mort. Sachez-le, les mecs, elle est célibataire, donc n'hésitez pas, une belle blonde, tout ça. En plus, elle s'est chauffée les mecs, hein, t'as vu ça tout à l'heure. En quelle année, et c'est jouable, Charles Michel a-t-il été élu Premier ministre? Il me faut l'année et le mois, sinon c'est trop facile. Putain, mais... Bah ouais, c'est les élections cette année, enfin l'année prochaine. L'année prochaine, donc 2015, janvier 2015. T'es le 11 octobre 2014. Non. Attention. Non. 04 77. Ouais, faites le numéro en même temps, tiens. En même temps que tu vas le dire, les gens vont composer le numéro. Non, non, non. Idée. Le 04 77, Coralie. 32. 10. 74. Bande de bâtards. Non, non, non, non, non. Répète. 04, 77, 32, 10, 74. Voilà. Attends, je vais être sympa. La première personne qui appelle, on lui offre un cadeau. Oh, allez, putain. Bah c'est déjà fait. Hein. Vas-y, bah, vas-y, décroche. Allez. En direct. Mets-le au parleur, Lorenza. Ouais. Allô. Ouais. Allô, c'est qui au téléphone? C'est un pervers. C'est Aurélien. Bonjour Aurélien. Ouais, bonjour Aurélien. Salut Aurélien. On va te gérer du cadeau, Aurélien, grâce à Lorenza. Ah super, je veux faire. Bon, ok, bah, t'arrives. Ouais, ouais. Bon, bah, tu peux rappeler le numéro peut-être, mon David, si tu oui, veux. Oui, 0477 32 10 74. Faites-vous plaisir. Merci, en plus, elle est disponible, ouais. H24. Non, les gars, ouais. Putain. Bah ouais, 0477 32 10 74, le numéro de Lorenza. Non, c'est bon, on va se calmer là. La chaudasse de Fun Radio, comme on appelle dans les couloirs. Ah oui, très tactile en plus. C'est ouf. If you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff when I grow up. Hear my music through the speakers. I wanna feel love when I grow up. I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. I'ma always give my all, yeah. Haters talking down and wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never try to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I made the guards, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. Bonne soirée sur Fun. Tous les soirs, dès 20h, Mike retourne à Belgique. Je m'en bats les... Sur Fun Radio. Si ça se passe comme ça, tous les soirs à partir de 20h jusqu'à 23h, Vous débarquez en direct au 02 851 4x0. Les SMS au 3044. On est connecté aussi sur le Facebook Mike sur Fun Radio. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vous inscrire pour la voyance en direct qui arrivera tout à l'heure après 22h sur Fun Radio. On a aussi encore des... Tout à l'heure Lorenza, tu vas nous parler d'un sondage. Oui. Sur... Oui, vas-y. Ah ben sur... Il y a un classement dans un magazine qui a sorti les phrases des enfants qui énervent le plus les parents. Ah. Donc, dites-nous les... Il y en a plein, hein. Bah dites-nous si si vous n'avez pas encore d'enfant, quelle est la phrase qui rend fou vos parents. Et puis inversement, 30-44 les amis, c'est 50 centimes par message. Dans quelques instants, il y a Aya Nakamura qui arrive. Allez, c'est bon, assez de suspense, Kaufman. Ouais, d'ailleurs, si je peux me permettre, oui. Lorenza, si, comme on vient de donner son numéro de téléphone, c'est important de si vous avez envie d'être bien reçu, vous chantez un peu de Dadja. De Dadja, parce qu'elle adore ça, tu vois. Ah, la meuf, elle ne raccrochera pas, tu vois, c'est une garantie. Donc, c'est une technique d'approche en appelant Lorenza, puisque si vous venez de débarquer, si vous prenez l'émission en cours, Lorenza a perdu à la justice téléphonique à cause de Simon. Merci, Simon. Et donc, 04 77 32 10 74. Non, non, allez, Kaufman, je sais pas si tu as retenu le numéro. 0477 32 10 74, c'est le numéro de l'amour. Appelez-la. Je vous déteste. Bon, mon Kaufman, il y a eu plein de SMS qui sont arrivés au 6322 et c'est logique puisque t'offres un jeu ce soir qui vient juste de sortir. F1 2018. C'est la crème de la crème au niveau des... Enfin, c'est la référence des jeux de course. C'est le seul en même temps, donc c'est en Formule 1, c'est vraiment hyper réaliste et tu découvriras des modes solo, des modes multi. Tu vas te faire plaisir, mon ami, pour cette rentrée. Vous avez envoyé jeu au 6322, on va prendre nos gagnants qui sont là. Allo, allo, qui est là? Coucou, c'est qui? Alors, il y a Jérôme et Kevin. Salut Jérôme. Jérôme, on va commencer avec toi, mon pote. Bonjour. Bonjour, bonjour, tu vas bien? Ça va, bien. Ben ouais, t'es où toi? Au chiottes. Sur la route du retour. Ouais, il y a un peu d'écho derrière toi, c'est le téléphone peut-être qui ripoue? Ouais, certainement. Bon, d'accord, ok. Bah, t'as envoyé le jeu au 6322? C'est bien ça. Eh ben, c'est bon. Bravo. On te met le F1 2018. Tu peux dire merci à Kaufman. Merci Kaufman. Je t'en prie, mon ami. Bien, il est bien élevé. Ça va. C'est pour toi ou tu vas l'offrir? Non, c'est pour moi. Ok, bah fais-toi bien plaisir. Salut mon pote, à bientôt. Et puis d'ailleurs, très bientôt avec Kaufman, on va lancer les comme tu fais dans Génération 3.0, là, on va lancer les Twitch. Oui, on va jouer avec vous pendant qu'on est en train de t'écouter en fait. Voilà, ça va être cool, on va faire ça très bientôt. Et puis vas-y, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est là. Il y a Kevin qui est là. Salut Kéké. Bon, salut. Ouais, hello. Kevin, ça va bien? Ça va. Bah oui, t'es où? Au chiotte aussi, celui-là. Tu nous as même l'appel du même endroit que l'auditeur précédent. Kevin, t'as envoyé Jo au 6322? Ouais. Et ben c'est bon aussi. Yeah! F1 2018, ça arrive à la maison, Kevin. Ouais, c'est super. C'est cool? C'est cool. T'avais le 2017? Non, je ne l'avais pas. Et ben, tu vas pouvoir le découvrir, là. Le jeu, il déchire, franchement. C'est vrai. Ok, bah, j'ai pas joué encore, mais d'après Kaufman, il déchire. Il déchire. On lui fait confiance. Je te fais un big up, Kevin, raccroche pas, on prend tes coordonnées, on t'envoie ton jeu, ok? Et dis merci à Kaufman. Merci Kaufman. Il t'en prie. Merci mon David, on te souhaite de bonnes vacances. Yes monsieur. Bien mérité. Ouais, je reviens en forme avec... Il y a dimanche d'abord avant les vacances. Ouais, et je reviendrai en forme avec du FIFA. On a une super OP à vous offrir, des consoles, des c'est jeux. C'est quand la date de sortie de FIFA 2019 le 27 septembre. Ouais, ça arrive avant pas. Et avant ça, il y aura Tomb Raider, enfin il y aura plein de choses. On va bien se mettre. Tu lourd au niveau de l'actu du jeu vidéo, Kaufman. On te donne rendez-vous très vite. Mardi en 8. Yes monsieur. Est-ce que pour me venger, je peux donner l'adresse de la maison de Kaufman en vacances? Tu peux, mais... Par contre, on peut rappeler son numéro, Kaufman, je pense. Oui, 0477 32 10 74. Non, même moi, je le connais par cœur. C'est gratuit. Hello, papi, Mickey Bazar. Et chantez-lui, Dja. J'entends des bails à 300 mains. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Comment jouer un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Oh, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja, non. Y'a pas moyen, dja, dja, ouais. En katana, baby, tu dead ça. Oh, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja, non. Y'a pas moyen, dja, dja, ouais. En katana, baby, tu dead ça. Dans mes doigts. En katana, baby, tu dead ça. En katana, baby. En katana, baby, tu dead ça. En katana, baby. Oh, dja, dja. Et bonne soirée sur Fun Radio. Oh, dja, dja. On est là, on fout le feu dans tout le pays. Oh, dja, dja. Dernière de la semaine en plus aujourd'hui. Après c'est le week-end et on sera de retour évidemment puisqu'on dimanche. Est là le week-end, le dimanche soir. Alors les horaires sont un petit peu différents. Ouais. 21h minuit le dimanche les amis. Dans quelques instants on va se prendre notre sélectionné, le dernier de la semaine pour nous, qui aura peut-être la chance d'être rappelé demain par les potos Samy et Chloé dans leur émission entre 16h et 19h puisque cette semaine, Lorenza, on vous offre une semaine de rêve pour 4 personnes. Dans l'un des campings étoilés de votre choix avec Vacances Soleil en France. Hein. Et en plus de ça, vous avez droit à une journée en mer à bord d'un bateau de luxe, donc une journée de ouf avec Celestie Boat. Donc bonne chance les amis, envoyez Fun au 6322 pour 1€ le message et c'est dans combien de temps qu'on prend. On va jouer quoi pour avant 22h là. On est à la cool. Dans 10 minutes, un quart d'heure, on va jouer ensemble pour vous sélectionner. Ben voilà. Fun FUN 6322 maintenant. Axwell Ingrosso, Dancing Alone, c'est ce qu'on s'écoute dans un instant. Et tiens, on est le 30 septembre et c'est un anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la naissance de Django Reinhardt. Ok. Tu connais 30 août, 30 août. Célèbre. Si, c'est le musicien. Le 30 août, pardon, oui. Oui, célèbre guitariste de jazz, ouais. Guitariste de légende, qui n'avait pourtant que 3 doigts à sa main gauche. C'est ça, j'avais entendu ça. Ah ouais, il est un peu con d'ailleurs, Django Reinhardt. Bah, je sais pas, moi j'ai que 3 doigts à la main gauche. C'est pas guitariste que je fais, c'est champion de bowling. Tous les soirs dès 20h, Mike retourne à Belgique. Je m'en bats les couilles. Sur Fun Radio. Radio. Radio. You ready? Rejoignez la famille Fun Radio dès maintenant. Right here, right now. Sur Instagram. Suivez Fun Radio BE et retrouvez l'univers de votre radio et tous vos animateurs préférés toute la journée. Bah, Fun Radio toute la journée, c'est délire. Fun Radio, c'est la famille. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique. Basic Fit, ouvert à tous, à 19,99€ par mois. Avec plus de 170 clubs en Belgique, il y a toujours un Basic Fit près de chez vous. En ce moment, fitness gratuit jusqu'au 1er novembre et un sac offert. Offre sous condition, voir sur basic-fit.be. CEA fait 20% de réduction sur toute la collection enfant. Hein ? 20% de réduction sur toute la collection enfant chez CEA. Combien ? 20%, on y va ! Maintenant chez CEA, 20% de réduction sur toute la collection enfants, en ligne et en magasin. 20h-23h, Mike, M-I-K-E, le soir, sur Fun Radio. Fun Radio. She's shining in a sea of people, see her smiling. Something about her body caught my eyes and I can't seem to look away. Oh, she's floating, bumping into strangers like they're nothing. Acting like she knows she's hiding something. Yeah, I can't take my eyes away, no. It's like I've seen her face before. I know. On est là en direct sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi la famille. Belle soirée tout le monde. Rejoins le mouvement. Mike jusqu'à 23h sur Fun Radio. On vous attend 02 851 4x0 pour réagir, participer à l'émission, faire des jeux avec nous. Dans quelques instants, on va sélectionner quelqu'un, ma petite Lorenza. Oui. Qui aura la chance d'être c'est le dernier sélectionné de la semaine, ça. Qui aura la chance. Puisque demain, c'est le tirage au sort chez Samy et Chloé. Et oui. Donc c'est le dernier, la dernière chance d'être sélectionné. La dernière des dernières chances. Enfin non, ils ont encore demain la journée, mais voilà. Après, ce sera fini. C'est pour gagner une semaine pour 4 personnes dans un camping étoilé. Voilà, dans le sud de la France, ouais. Pour prendre des vacances en décalé. Vous envoyez Fun, FUN maintenant au 6322. Tiens, j'ai des nouvelles de Samina Seri. Ah, le mec de taxi, là, qui était un peu parti en couille d'ailleurs. Ouais. Il a déclaré dans une interview : pour moi, c'est fini les conneries, j'arrête l'alcool et je reviens à mes premiers amours. Alors, j'ai peur. Si je peux me permettre, s'il veut vraiment évoluer, Samina Seri, le mieux c'est pas qu'il revienne à ses premiers amours, faut directement qu'il revienne à ses cours de comédie. Là, ce sera un peu mieux. Jason Derulo avec Sofia Arias. Undos Fest, c'est ce qui arrive. Il y aura du Dems derrière aussi. Ça arrive dans quelques instants, le Mwaka Moon à se faire sur Fun Radio. Pour le moment, ma petite Lorenza. Oui. Tu as un sondage comme promis, t'as ouvert un magazine et t'as trouvé un sondage qui recensait les phrases d'enfants qui agacent le plus les parents, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors nous t'écoutons et réagissez au 02 851 4x0. Qu'est-ce qui vous saoule de sortant de la bouche de votre enfant? 30-44. C'est énorme, en cinquième position on a « c'est pas juste ». Un peu ouais. Calimero là. Ouais, mais en plus ils te disent ça, ils en savent rien. Ouais. C'est pas juste non, tu t'inscris à l'UNIF, tu fais des études de droit et après tu viendras dire que c'est pas juste. Bordel. En quatrième position, on a de toute façon, je fais ce que je veux. Oh, quelle horreur. Oh, bah, tu fais ce que tu veux, mais dans la cave, mon pote. Tu prends ton petit paluchon, tu vas en bas. Ça. C'est énorme. En deuxième position, ah ben bah, je n'ai pas de troisième position, mais c'est pas grave. En deuxième position, tu me laisses jamais rien faire. Oh, ouais. Doudou. Moi je laisse faire plein de trucs aux enfants, genre les vitres, le ménage, faire plein de choses. Très bon plan, très bon plan. Et en première position, ça c'est, ça, c'est magique. Attention. De toute façon je t'aime pas. Quand tu te prends ça dans la gueule. Quand t'es parent quoi. Et tu donnes tout pour ton gosse et qu'il te dit de toute façon je t'aime pas. Le pire c'est le beau-père. De toute façon, t'es pas mon vrai père. Ah, c'est horrible, ça, c'est le truc qui brise le cœur. Ouais, si vous êtes beau-père et que votre beau-fils vous dit ça, vous lui dites bah, de toute façon, toi, t'es pas le vrai enfant de ta mère parce qu'elle a couché avec le facteur. Bim. T'es un con de gosse. Excusez-moi, on parle des enfants, c'est un sujet qui me touche. J'ai vu. Tiens, il y a du monde qui voulait réagir, Coco. Ouais, il y a Emile qui est là. Salut, Emile. Hello. Oui, bonsoir. Bonsoir, Emile, ça va bien ? Très bien, et vous ? Ouais, tranquillement. T'as des enfants, toi ? Oui, j'en ai un petit, un garçon de 6 ans. Et alors, qu'est-ce qui te saoule Qu'est-ce qui se soule chez lui ? Tu l'aimes beaucoup, évidemment, c'est l'amour de ta vie. Et en voiture ? Non, je l'aime pas du tout. En voiture ? Non, c'est en voiture, c'est toutes les 5 minutes quand il doit faire pipi. C'est insupportable. Je suis pas un enfant, mais je fais pareil. Et il a quel âge ? 25 ans. Ah oui, d'accord. Il y a très longtemps. Non, mais je comprends. Ouais, en voiture, les gosses, c'est insupportable. Sinon, t'as le. Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? C'est horrible. C'est pire. J'ai faim. Cela dit, on parle des gosses. J'ai faim à la maison. Ah oui, ouais, ça aussi, en voiture, ouais. Tu viens de partir de chez toi, il te dit j'ai faim. Ouais, je crois. Mais cela dit, on parle des gosses, on est médite. Mais moi, pour la première fois depuis que j'ai le permis, j'ai pris la voiture avec un enfant. L'enfant d'une pote la semaine dernière, là. Ouais. Je te jure, on fait 50, 100, 150 km tranquille. Pas un bruit. Gosse, mais le gosse modèle, quoi. En même temps, c'est vrai qu'on l'avait laissé sur le bord de l'autoroute à la station. D'ailleurs, j'en profite. Si vous êtes sanglier et que vous venez d'adopter une petite fille, c'est celle de ma copine, faudra lui ramener. S'il vous plaît, merci beaucoup. Je te fais des bisous, Emile. Moi aussi, bonne soirée à vous. Merci de nous avoir appelés. Raccroche pas. On est en direct sur Fun Radio. Merci pour ce petit sondage, ma petite Lorenza. On continue d'en parler ensemble au 3044 sur les SMS ou sur le Facebook. Mike sur Fun Radio. Ça va ? Ouais, ça va. Sophia Reyes, avant de prendre notre sélectionné Fun 6322, on vous gère les vacances au soleil. Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. Baby, just hush the talking and let my loving ease your mind. If love's the game, let's play a million times. Baby, give it to me. I'll be good company. Baby, me no me es Jason. If you wanna turn it on, go get a light bulb. This place I'm on. Hey, if you wanna. la la la. Ta la la la la. Tous les soirs, prenez la parole. A space of freedom and no judgment. 02 851 4x0. Mike sur Fun Radio. Et ouais, on est là, merci de nous avoir choisi la famille. Vous débarquez en direct, le numéro La Voix de Fun Radio vient de vous le rappeler. Le reste pour nous contacter, il y a les SMS, ma petite Lorenza. Oui, 30-44 pour 50 cents le message. Et puis les réseaux sociaux, c'est Coralie Kitchak. Ouais, la page Mike Fun Radio, vous pouvez vous inscrire pour des jeux ou même nous envoyer un petit message sympa, genre coucou, moi je vais le lire à l'antenne. Exactement. Merci Coralie. Avec plaisir. Tiens, j'ai une info de dingue. En Angleterre, dans la ville de Somerset, un homme a fait changer légalement son nom. Okay. Écoutez bien le nom de ce gars-là. Et c'est vrai. Ouais. Il a fait changer son nom en Capitaine Fantastique, plus rapide que Superman, Spider-Man, Batman, Hulk et Flash combiné. Le mec a changé son nom de famille en ça. Et il peut ? Oui. Mais après, les gens qui le connaissent quand même l'appellent plus simplement par son surnom, Gros Baraki. C'est plus simple. Ah, je. Plus rapide. Kalash arrive, il y aura Clean Bandit aussi dans quelques instants. Ça c'est calé sur Fun Radio, le temps de gérer du cadeau pour Anne-Charlotte qui est avec nous. Bonsoir Anne-Charlotte. Oui, bonsoir. Hello. Tu permets que je t'appelle assez? Oui. Ah, carrément. Bienvenue dans l'émission, assez. Tu m'appelles de quel endroit en Belgique? Hermé. C'est vers Liège, c'est ça? Oui, à quart d'heure en voiture, plus ou moins. Très bien, okay. Oui, je connais. Alors ma chérie, nous allons jouer à un jeu puisque tu as envoyé Fun au 6322, c'est ça? Oui. On va jouer pour tenter de te sélectionner et peut-être que demain, si tu es sélectionné, tu seras rappelé par Samy et Chloé qui t'offriront ta semaine de rêve pour aller en vacances. T'as pris des vacances, Anne-Charlotte? Oui, je vais être rentrée ici lundi. Ah ouais, t'es une chanceuse, toi. Ah, donc tu vas pouvoir repartir peut-être direct grâce à Fun Radio. Pour ça, il faut que tu gagnes au jeu que je te propose tout de suite. Nous allons jouer à Vrai ou Faux Saint. D'accord? On va jouer avec des stars. Puisque bon, c'était pas une légende, certaines stars usent de la chirurgie esthétique. Et je vais te donner des noms de stars, à toi de me dire si ce sont de vrais ou de faux seins, d'accord? Ok. Jennifer. Okay. Attention, à chaque mauvaise réponse, j'ouvrirai la poubelle Fun Radio. On a une poubelle ici à Fun Radio dans laquelle on met tous les sons qu'on aime plus. Jennifer, la chanteuse. Vrai. Je me dis vrai, c'est une bonne réponse, ce sont des vrais seins. Maria Carré. Faux. Bonne réponse. Hey. Mamie Simone. Vrai. Ben oui, ce sont des vrais seins. Ils peuvent servir d'élastique aussi au besoin. Taylor Swift. De vrai, je dirais. Et non, c'est des faux seins, Taylor Swift, malheureusement. Non, je suis donc obligé d'ouvrir la poubelle. Coralie, t'es médisante. La poubelle Fun Radio. Et on va sortir un son qui se trouve dans cette poubelle. Tous les sons qu'on n'aime plus. Attention, je ne sais pas ce qui va sortir. Oh, ta gueule, Jules, ta gueule. Ta gueule. Alors, attention, t'as compris à quoi on en est deux. Réduit si jamais tu donnes des mauvaises réponses. Oui. Angelina Jolie, vrai ou faux seins? Des faux. Oui, elle s'était fait refaire, elle s'est fait enlever, c'est pour prévenir du cancer du sein. Ouais, ouais. Maggie de Bloc. De vrai. Oui. Ça peut servir de bâche aussi pour recouvrir tout ce qui est piscine. C'est sympa ça. Hilary Duff. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais dire des vrais. Je ne suis pas sûre. La chanteuse, non, ce sont des faux seins. Malheureusement, mais... j'ouvre la poubelle Fun Radio. Attention. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Tu vois ce que tu m'obliges à faire, Anne-Charlotte? Macumba, elle danse tous les soirs. C'est jamais la suite, tu vois. Macumba. Bon, Macumba. Allez, on en fait un petit dernier juste pour le kiffer parce que je l'ai écrit. Axel, qui fait l'émission après. Vrai ou faux seins? Des vrais. Oui, ce sont des vrais seins. Et c'est les plus gros de la radio d'ailleurs. Sélectionnez ma petite Anne-Charlotte. Peut-être que demain on te rappellera. Ah, c'est pas nous, c'est Samy et Chloé qui te rappelleraient éventuellement, ok? Vers quelle heure plus ou moins? Entre 16 et 19h. Donc, sous aucun prétexte, tu ne lâches ton téléphone et sache qu'on va t'appeler en numéro privé si t'es tiré au sort, comme là maintenant, ok? D'accord, ça va, merci beaucoup. Gros bisous. Merci, bonne bisous. À bientôt, je compte sur toi. Demain, lâche pas ton téléphone, 16-19. Et puis tous les sélectionnés aussi qui nous écoutent ce soir. C'est demain le tirage au sort. Et puis dès lundi, bah, de nouveaux gros cadeaux à pécho sur Fun Radio. Ça ne s'arrête jamais ici. Ça ne s'arrête jamais. Voici les Clean Bandits. Fun Radio. This is Clean Bandit on Fun Radio. Hi, Demi Lovato. The song Dance Floor. Bonne soirée sur Fun Radio, différent de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure sur la bande FM. On est là. Vos soirées ne seront plus jamais les mêmes. Oh yeah. Mike, le soir sur Fun Radio. Avec Lorenza. Ouais. Avec ma petite Coralie. Oui. 02-851-4x0. Quoi que vous fassiez, que vous soyez ce soir, on vous embrasse, on est là pour vous. Et on big up aussi la maman de Coralie qui nous écoute. Maman. Et ça va Coralie, hein, la radio, là, c'est connerie, ça va aller 5 secondes. J'imite pas son accent. J'imite bien ta maman. Elle a un accent très prononcé. Oui, elle vient de Paris, comme vous pouvez l'enlever. on va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans quelques instants? Tiens, on va se réunir. Concertation d'équipe, s'il vous plaît. Réunion d'équipe. On se concerte sur la suite de l'émission. Non, mais de toute façon, je vais aller chez la boulangère. Parce que la boulangère, elle m'a dit, mais je n'ai plus de bonbons. Alors, comment elle avait plus de bonbons? J'ai deux léchés paquets du coin. Mais le paquet du coin. Tu peux sortir ton doigt de mon cul, s'il te plaît? Oh, Lorenza, c'est pas l'antenne. Merde. Bon, on est d'accord. On va récupérer. On est tous d'accord. On récupère Mohamed qui est avec nous. Salut Mohamed, bonjour. Salut. Hello. Salut. Ça va ou quoi, Momo? Ça va, ça va, ça va. Bah, bienvenue dans l'émission, Mohamed. T'as quel âge? Tu m'appelles de quel endroit, toi, en Belgique? Je suis de Gilly, j'ai 42 ans. Ok, tu fais quoi dans la vie? Pour le moment, je cherche du travail. Du okay. Tu cherches du taf dans quoi? Vas-y, pose. Éducation spécialisée. Ok. Ah, voilà, le bien. Message est passé. Bah, si jamais vous êtes employeur, vous recherchez un éducateur spécialisé, Mohamed est là. Et en plus, c'est un fidèle auditeur de Fun Radio, ouais. Donc raison de plus pour appeler maintenant. Comme ça, on fera ton numéro, Momo, aussi, un employeur. En plus, tu nous appelais, tu voulais énerver un de tes proches, c'est ça? Ouais, une amie, exactement. On va faire un jeu qui s'appelle La Baston à la radio. Alors vas-y, dis-nous, qui est-ce que tu vas piéger? C'est une fille avec qui j'ai fait ma formation. Et il y a un moment, j'ai confié mon chat pendant un séjour d'animation. Ouais. Et elle a réussi à le perdre. Elle a perdu ton chat? Ouais, elle a perdu mon chat. Oh non. Mais c'est la mère Michel qui a perdu qui par la fenêtre. Bon, bouge pas, Momo. On en parle dans deux secondes, ok? Ouais, ça va. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Dans le vide, tu respires à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains. Photo dans la pareille, bientôt. Comme moi, quand mon aura fait mouche. Allô, la terre ici, y'a pas d'eau. Je loue comme un son de franc-maçon. Ils sont-ils vraiment à dono? Avant Dieu, y'a rien de toutes les façons. Agathe, tout est beau. J'fais le show en lampeau. Oh, un négro. Quand elle lâchait dans le dos. Et on fait tourner ça sans la couche. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Yeah, yeah, yeah. Dans le vide, tu respires à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains. Photo dans l'appareil, bientôt. Comme moi, comme mon aura fait mouche. Se faire sucer, c'est pas tromper. Faire succès, c'est ne pas se tromper. Tant de billets, jaune, vert, violet. J'ai tout nié, trop balancé. Tout est écrit, ouais, qu'ils m'ont dit. Les mêmes qui ont dit que j'arriverais pas. Jamais négro sans terre en vie. Jamais négro ne baisse les bras. J'élimine, ennemi. Et maintenant, pas de parole, pas de tête sur les lips. Si je rime dans la ville, c'est que je suis sur les champs. Grâce à la quatre pattes sur le bitume. Inoffensif, je fuis. Une offensive, je tue. Une gencive de plus. Sur le bitume, j'accumule un brouillard bagarre de rue. J'prends le réseau négro, je te laisse que le wifi. Au studio, j'fais que du sale. Au studio, tu ne fais que du bruit. Il tue pour prendre nos terres comme j'bouge ça dans mes RIP. J'ai toujours pas navigué, pourtant j'connais que des rapides. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Yeah, yeah, yeah. Dans le vide, tu respires à peine. Le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains. Photo dans la pareille, bientôt. Comme moi, comme mon aura fait mouche. Yeah, yeah. Ding dong, blâle-moi pas. J'marche dans la ville comme une âme en fracas. En attendant qu'il tombe sous le haka. J'observe comme King Kong au-dessus de Manhattan. Voilà déjà une blonde que je suis fracas. Allongé dans une tombe pleine de vieux tracas. Je viens d'un autre monde si je ne m'y fais pas. Que cela ne t'étonne, je viens de là-bas. Tout ce ciel louche. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Une bouffée d'oxygène dans la couche. Respire à peine, le succès m'a donné des ailes. La même bitch qui me tournait les deux mains. Photo dans la pareille, bientôt. Comme moi, comme mon aura fait mouche. Elle m'a fait gagner des temps, même peine, celle que j'aimais. Mon jus d'amour, sur ton levier, j'ai pas pu m'arranger, j'ai pas regardé. J'ai pas des bons gars pour me regretter, j'ai que les meilleurs pour la limette. Mais c'est à l'âge de tous mes fils, des victimes et bis, j'aurais pas dû faire. J'suis pas dans la Mississippi, là où personne sait qui j'suis. J'suis dans la main, j'suis rôti, dans un biscuit. J'vois encore et encore, histoire de bien évidemment. J'ai le fil dans mon bel qui remonte tous les pieds de la roue, j'me brûlais les ailes. Dems, Dems avec Kalash sur Fun Radio. Bonne soirée à tout le monde. 21h52, on est bien là, bien en direct. Vous débarquez en direct au 02 851 4x0. On vous attend avec dans quelques instants le jeu du mon cul. On va se faire la baston à la radio aussi avec Momo qui attend en 4 au standard qui veut rendre fou un de ses proches. Juste avant, j'ai une nouvelle étude qui nous vient du Canada, Lorenza. Ouais. Cette étude nous révèle que le Canadien moyen est deux fois plus heureux que l'Américain moyen. Ouais, comme ils sont voisins. Ouais. Et ça s'explique par un meilleur pouvoir d'achat, un meilleur taux d'emploi, bref, une meilleure qualité de vie pour les Canadiens par rapport aux Américains. Ok. Et ça passe à trois fois plus heureux quand on leur rappelle que Céline Dion vit en ce moment aux États-Unis. Ouais, c'est... Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Partez-vous détendre pendant une semaine à 4 dans un des campings étoilés vacances soleil de votre choix grâce à Fun Radio. Toute la semaine. Écoutez Fun Radio non-stop. Et gagnez votre séjour pour 4 personnes. Avec une journée en pleine mer sur un bateau luxueux au départ de Fréjus. Avec Célice Thibault. En envoyant Fun par SMS au 6322. 1 euro le message. Ah, merci, merci, merci. Fun Radio, c'est la famille. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique.

Bonne soirée sur Fun Radio. Rejoins le mouvement. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. On est là, merci de nous avoir choisi la famille. Cette émission, c'est plus qu'une émission de radio. On sait pas exactement encore c'est quoi, mais c'est plus qu'une émission de radio. Et on est là pour vous accompagner jusqu'à 23. Le numéro 02851 4x0, les SMS 3044 à 50 cents par message. Et ma petite Lorenza, on est aussi connecté sur le Facebook. Oui, Mike sur Fun Radio. Vous pouvez vous inscrire, voilà, si vous êtes pour qu'on puisse vous rappeler. Comme ça, c'est totalement gratuit. Pour participer à tous les jeux de la soirée. Si vous avez des coups de gueule, on refera des défoulerons tout à l'heure. Il y a Alex, notre voyant, qui arrive aussi pour faire la voyance en direct. Il nous a préparé un astro-sex, Alex. Stylé. Un horoscope du sexe. Donc, Lorenza, c'est quel signe? Gémeaux. Très bien. Scorpion. Et moi, je suis Lion. Donc, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Si on va pouvoir enfin pécho ce week-end. Pour le moment, on va vérifier avant d'écouter le son de Moziman dans un instant, le nouveau Moziman. Si Momo est toujours là, Momo. Ouais, toujours. Ouais, Mohamed, alors tu as 42 piges, t'appelles de Gilly. Et tu cherches du taf, t'es éducateur spécialisé. Et surtout, tu veux nous appeler parce que tu veux énerver Cathy. C'est quoi? C'est une de tes collègues, c'est ça? Tu nous as dit? Ouais, c'est une collègue, c'est plutôt une fille avec qui j'ai fait ma formation. Ok. D'accord. Et tu la fréquentes toujours aujourd'hui? Vous êtes toujours pote? Régulièrement. Ok. Et on est toujours pote, hein. Tu nous as dit il y a quelques instants qu'elle a perdu ton chat. Ouais. Mais comment c'est? Enfin, tu lui as confié ton chat, quoi. T'es parti en vacances et elle a laissé la porte ouverte, il s'est barré le truc? Mais en gros, c'est elle est chez elle, elle a ouvert la porte pour nettoyer et le chat il s'est barré, exactement. Oh merde. Ouais. Oui, c'est un peu bizarre comme histoire. T'as vérifié les pneus de sa voiture? Ouais, ça, je pense que t'as réussi, tu vois. Non, honnêtement, on sait où ce qu'il est, le chat. Il est chez ses voisines qui viennent d'amager, qui s'occupe de lui. Donc voilà, il a un jardin. Okay. Donc concrètement, on sait qu'il va très bien, hein, mais voilà. T'as pas voulu le récupérer? J'ai envie de jouer là-dessus pour faire genre, je suis énervé sur elle à cause de ça, quoi. Mais pourquoi tu l'as pas récupéré, ouais, si tu sais où il est, le chat? Attends, parce que je m'inquiète. Très bien, j'ai pas de jardin. Là, il y avait un jardin et puis il est beaucoup plus épanoui. Oh, donc, je l'ai là-bas. Oh, c'est trop mignon. Et pas cher les économies sur les conquêtes. Et bah, tu sais quoi, elle s'énerve facilement, la Cathy? Normalement, ouais. Généralement, j'énerve très vite. Bon, j'espère. On va faire la baston à la radio et donc le but du jeu, c'est de l'énerver tout simplement, mais de l'énerver à fond, hein. Ok. Tu me la chauffes à blanc et donc tu vas jouer sur le fait qu'elle a perdu ton chat et que t'es vénère, c'est ça? C'est ça. Ça sonne. Dès que ça dit allô, c'est à toi. Ouais. Attends, on recompose le numéro. 02851 4x0 pour vous inscrire aussi. Et c'était quand ça, juste pour savoir? Oh, ça fait à peu près 2 ans déjà. Ah hein. Oh, ouais, ok. Et... Oui. Allô? Oui. Cathy? Oui, un peu, oui. C'est Momo. Ouh, t'es encore vivant, toi? Oui, je suis encore vivant, mais écoute, je vais vraiment te parler, là. Oui. J'ai un gros souci, enfin, j'ai pas un gros souci, plutôt, j'y pense à ça depuis un certain temps. Oui. Par rapport à Sacha. Ton chat? Oui, mon chat, tu t'en souviens? Ah ben, c'est... Et je crois que j'ai Alzheimer? Je comprends rien ce que tu dis, mais ça, t'écoute. En gros, ça, je t'avoue que ça fait un petit moment que j'y pense et ça me fout vraiment les boules. Clairement, je trouve que t'as merdé avec ça. Te confier un chat, tu le perds. Quoi? T'es sous ma gueule, là? J'ai l'air de me foutre de ta gueule, là. Bah non, t'es même bizarre, d'ailleurs. Mais j'aimerais bien que tu me payes mon chat, je sais pas, moi. Tu m'en trouves un autre, tu me donnes 150 balles, j'en sais rien, moi. À toi de réfléchir un petit peu. T'es sous ma gueule, là, maman? Là, c'est pas le cas, je rigole pas. Parce que j'ai perdu ton chat, tu veux que je te le rembourse? Bah attends, c'est pas logique? Oui, mais moi, t'es tombé sur ta tête ou quoi? Non, je suis pas tombé sur ma tête, j'ai juste pensé à ça et depuis un certain temps, ça me travaille dans l'esprit. C'est tout. Donc tu me confies ton chat, ouais. Il se casse et tu veux que je te donne 150 euros pour te le rembourser? Bah quoi? Mais t'étais sur de pièces? C'est un minimum encore ça, hein. Maman, alors, elle a dit quoi? Elle va te le rembourser, c'est bon, on va pouvoir aller ou quoi? Mais c'est quoi le... Parce que je sais ça, mais n'écoute pas. Dis-lui qu'on va aller démonter tout chez elle, hein, si elle te rembourse pas ton chat. Hein. Un chat, c'est un chat, la vie de ma mère, on déconne pas avec les chats. Hein. T'entends, je suis pas tout seul à le penser, hein, tu vois, pour prouver que t'es vraiment merdé. C'est quoi l'imbécile derrière qui gueule? Bah, c'est l'imbécile, y'a combien d'imbéciles que je connais? Et tu appelles pas l'imbécile non plus? Bah, je suppose que Ronny gueule pas comme ça, quoi, c'est pas sur moi. Non, peut-être. Quand il est énervé, si, quand même. Tu l'as pas encore vu énervé, toi aussi, hein. Ah, dis-lui qu'on va aller tout démonter, hein. C'est pas pour se péter la gueule, hein. Tu te fous de moi, là? Non, je fous pas toi, s'il te plaît, putain, Cathy, arrête de répéter la même chose. Mais moi, je rembourse jamais ton chat, moi, je t'ai pas demandé de me le donner non plus, hein. C'est pas de ma faute si c'est cassé, hein. J'ai posé la question, tu m'as dit oui, donc je te fais confiance. Tu veux jouer à ça avec moi? T'es pas une pote peut-être? C'est ce que tu m'as dit pendant je sais pas combien de temps, non? Ça m'a fait chier de l'avoir perdu. Il s'est cassé. Et maintenant, après 2 ans, tu m'emmerdes avec ton chat? Bah ouais. Et ton petit gros m'emmerde aussi, Ronnie? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah non. Mais vas-y, viens, Momo, on y va, là. Elle nous saoule, l'autre. On va la défoncer, là. Viens. Ah bah allez, venez. Je vous attends. Ouais, tu nous attends. Genre, tu vas faire quelque chose, toi? Et Momo, tu veux mon argent? Je m'en fous. Tu démerdes comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Je veux mon chat, c'est tout. Je veux mon chat ou les 150 euros. Démerde-toi. Mais ça va pas, t'es tombé sur ta tête ou quoi? Ton chat, ton vieux chat de gouttière là, qui s'est cassé, après je lui ai donné 150 euros, tu te fous de ma gueule? Donc en fait tu l'as fait exprès, donc tu l'as fait exprès de le perdre finalement. Imbécile, va. Allez, c'est bon. Ouais. Ça y est, c'est bon. On va dire que c'est bon, on va dire que ça passe. Allô, non, elle a rien compris. Ça m'a caché. Attends, deux secondes. Je vais t'expliquer rapidement si on me le fait. Ta gueule, maman, j'ai pas envie de te parler là. Tu me fais chier. Ah, c'est maintenant qu'elle s'énerve. Non, c'était une blague. Je te promets que c'était une blague, Cathy. Je m'en doutais que c'était une blague, espèce de mongole. Putain, j'avais mal de faire ça. Putain, j'avais mal. Alors, quand tu l'as fait, c'est imbécile. Bah, toi, tu sais le jeu. Cathy, ma chérie, je t'explique tout. En fait, on est sur Fun Radio. Je m'appelle Mike, il y a Lorenza, Adi, bonjour. Cathy. Et Momo nous a dit. Momo qui nous écoute, nous a appelé, nous a dit il faut que j'appelle, il faut que je piège Cathy parce qu'elle s'énerve trop rapidement. Nous a raconté l'histoire avec le chat. Et on a dit que. Franchement, on peut dire que c'est réussi, c'est ouais, bon. Ouais, Momo. C'était mignon. Ouais, bravo, quoi, ouais. Bravo. Ouais, magnifique, hein. Ah bah oui. Cathy, écoute. Elle a mal pris, j'ai l'impression. Je vais dire un truc que je ne te dis jamais. Je t'aime, tu le sais bien. Oh. Magnifique, hein. Ouais, formidable. Elle s'en bat les couilles. Bon, je vais la rappeler, on va essayer de régler ça rapidement. Ouais, Momo, en plus, t'as gagné tes places pour l'avant-première de la nonne. Donc, ouais. T'as qu'à te faire pardonner, tu l'invites à l'avant-première. Oui, c'est ça, oui. Voilà, bon, on vous embrasse, les amis, raccrochez pas, d'accord? Ok, je raccroche. Bon bisous. You are the light I dream about you every night. Another day, another life. You're the one I watch your eyes. Let me love you. You want I like. Oh, whatever you do, I got all. Ain't I'm coming for you. California. Coming for you, California. On est sur Fun Radio. Dès 20h, Mike retourne à Belgique. Sur Fun Radio. Avec Lorenza et Coralie qui sont là toutes les deux. 02 851 4x0, les amis, pour nous appeler, pour faire la voyance en direct avec Alexandre Delovan, notre voyant médium qui sera là dans quelques instants. Et il est aussi coach de vie. Oui. Donc on va se faire ça avec lui, la voyance en direct, la dernière de la semaine, puisque bah, c'est le week-end. C'est le week-end, ouais. Et on sera de retour dimanche, les amis. Notez bien les horaires du dimanche, c'est de 21h à minuit. Un petit peu plus tard, voilà, comme ça on kiffe tous ensemble encore plus. Pour l'instant, avant d'écouter Kungs et Stargates, on va jouer ensemble au boss de la cinquième question. Et il y a du monde pour jouer avec nous, ma petite Lorenza. Oui, il y a Mélanie et il y a Heidi. Coucou Mélanie. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va bien. Oui, 32 piges, t'es où en Belgique ? À Mont-Saint-Michel. D'accord, tu fais quoi dans la vie ? Je suis indépendante, fleuriste. Ah. On va jouer ensemble, ma petite Mélanie. Et pour ça, et pour gagner du cadeau Fun Radio, il va falloir que tu battes Heidi qui est avec nous. Salut Heidi. Oui, bonsoir. Hello. Ça va bien, tranquille. Ça va, ouais. Tranquille, la maison, ouais, relax, quoi. T'es à hâte, toi, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Et tu fais quoi dans la vie, Eddy ? Je suis ambulancier. Hein. Ok, très bien, tu bosses pas là, t'es à la maison, ouais, non, tu m'as dit. Ah non. Si, si, j'ai le passion derrière. Très belle voix, Eddy, hein. Ah ouais. Merci, c'est gentil. C'est une voix qui t'intéresse, qui t'intrigue. J'aime bien, ça m'intrigue. Eddy, prends ta voix la plus grave possible et essaye de charmer Lorenza. Ben, ça peut se faire, pourquoi pas. On va voir, pour changer de rire et après on. Alors, Heidi et Mélanie, on va jouer ensemble au boss de la cinquième question. Alors, avant de jouer au boss même à la deuxième manche, il y a une première manche de sélection pour savoir qui va prendre la main et qui va avoir un avantage stratégique. Ok. Oui. Alors. Ok. Oui. Première manche de sélection, c'est sur le souffle de Mexico. C'est comme ça qu'on a appelé ce truc-là. Vous connaissez le... Luis Mariano ? Le son de Luis Mariano, Mexico, Mexico ? Oui, tout à fait. Que je vous fais réécouter, ouais, on va le réécouter tout de suite. Mexico, Mexico. Il faut tenir le plus longtemps possible la note sur le I de Mexico pour prendre la main. Ok ? Mmh. Okay. Eddy, tu commences, t'es galant ? Allez, vas-y. Allez, attention, sortez-moi le chrono, s'il vous plaît. Et on t'écoute, Eddy. Mexico, Mexico. Oh merde. Mexico. Oh, 8 secondes. Ouais. 8 secondes, on est sur un petit souffle de Mexico. Il faut faire plus de 8 secondes, ça devrait être facile, Mélanie. On t'écoute. Ouais. Mexico, Mexico. Voilà, nous sommes 5 secondes. Bon, bah, c'est Heidi qui va prendre la main dans quelques instants. Il y a du cadeau Fun Radio pour vous. Il y a du beau cadeau en plus si vous devez naître le boss de la soirée. Vous restez bien là, les amis. Oui. À tout de suite. À tout de suite. Motivé. Voici Kung sur Fun Radio. vous, toute la Belgique en entier. Chaque soir, on est là pour vous. Où que vous soyez, Charleroi, Liège, Namur, Bruxelles, Mons, La Louvière, tournez. Je donne. C'est gênant. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Je sais pas, moi j'attendais que tu me places un petit Brenna le représente. Mais ma petite, j'allais en prendre plein la gueule, du coup je voulais trouver d'autres villes, mais non. T'en as quand même pris plein voilà. la gueule. Quoi qu'il se passe, on en arrive à la même finalité, c'est ouais. bien dans cette émission. 22h16, on est en direct, les amis. Merci de nous avoir choisis. Voyance en direct, c'est ce qui arrive dans quelques instants. On retrouvera aussi Radio Simone un petit peu plus tard dans l'émission. Oh, cool. Ça y est, ça arrive à grands pas. Je crois qu'elle nous a prévu un jeu très très chaud ce soir. Donc éloignez les enfants. Ce sera tout à l'heure. Vous avez le temps pour l'instant. On va donc jouer et deuxième manche du boss de la cinquième question. Avec Eddy et Mélanie qui sont toujours là. Oui, vous êtes toujours là. Toujours aussi motivé. Il y a quelques instants, donc c'est Eddy qui a gagné le souffle de Mexico. Bon, petite victoire, on va pas se mentir. Je vous explique le principe du boss de la cinquième question. Je vous pose des questions tour à tour. Donc Eddy, on va commencer par toi. Et c'est donc un avantage stratégique. Tant que tu donnes la bonne réponse, on continue avec toi, d'accord? On progresse d'accord. jusqu'à arriver à cette cinquième et ultime question. Si jamais tu te trompes, je pose la question à Mélanie. Et seul celui ou celle qui répondra à l'ultime et cinquième question deviendra le patron ou la patronne de la soirée. Tandis que l'autre, on sera obligé de tuer toute sa famille. On a une équipe qui est devant chez vous, mais bon, on en reparlera un peu plus tard. On y va ? Eddy ! Allons-y. Quelle marque a créé le parfum numéro 5 ? Chanel. C'est une bonne réponse. Yeah. À quel âge est mort Mozart ? Oh, très bonne question, ça. Je sais pas du la tout. La main passe. Mélanie, à quel âge est mort Mozart ? Proposé, hein, si vous ne savez pas. Oui. 65 ans. Non, c'est beaucoup moins. Il est mort très jeune, Mozart. À toi, Eddy. Eddy ? Oui. On reste oui, sur la même question, Eddy. Tant qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse, on y va, Eddy. À quel âge est mort Mozart ? 45 ans ? C'est moins. Mélanie ? 43. Moins. Eddy ? 38 ans. C'est moins. Mélanie ? Ouh. 35. Mozart est mort à 35 ans. Bim ! Quand il a entendu la comédie musicale Mozart l'opéra rock en fait. Ouais, combien de minutes, Mélanie, y a-t-il dans 1h30 ? 90. Mais quel animal est né ? C'est la troisième question. Le cheval. Non, c'est la quatrième question, c'est le cheval. Bonne réponse, j'ai accepté aussi Maître Gims. Et nous arrivons à l'ultime et cinquième question. Mélanie, tu réponds correctement, c'est toi qui gagnes ce jeu. Dans quelle ville, Mélanie, se trouve... Attention, il y a un piège. La tour de Pise. Pas Pise. Ah, t'es pas tombé dans mon piège. C'est gagné, la tour de Pise se trouve à Pise. Yeah. Bravo, tu deviens la patronne de la soirée. On va t'envoyer du cadeau à la maison, Mélanie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, je te fais des gros bisous. T'as l'air très contente d'avoir gagné. Est-ce qu'on t'a pas refait ton week-end ? Gros bisous, Mélanie. Et Eddy, j'espère que t'es pas trop déçu. Oh non, non, non, du tout. Oui, du on avait compris que tu t'en foutais complètement. On va te faire le cadeau. Ben, t'étais là pour nous parler, pour être mais avec ouais. nous. Tu reviendras quand tu veux, de toute façon. T'as passé un bon moment, Eddy ? Oui, tout à fait, bien sûr, ben, comme d'habitude. Hein. Eh ben, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Je passe sur antenne, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Bah, t'es un fidèle, tu reviens quand tu veux, dis ok. Salut mon pote, et raccroche-moi, on va quand même te gérer un petit truc, un pack fun, un truc comme ça. Coco va gérer ce qu'elle a en stock. Ok, Coco, allez. Ça marche. Merci à toi. 22h19 sur Fun Radio en direct. Dans quelques instants, on fait quoi, Coco ? Bah, dans quelques instants, on va accueillir Alex. Ah, Alex Delevan, pour l'horoscope du sexe notamment. On fera un jeu du mon cul aussi tout à l'heure. Ouais. Tiens. Jason Derulo, David Guetta, Nicki Minaj et Willy William. La radio qui vous joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Girl, I'm down for your loving. Down for my fatty fatty. Down for your loving. Down for my naughty naughty. Down for your loving. I'm giving you loving. Stay with me, cause it's time to say goodbye. But don't leave me alone. Just stay for the night. I need you tonight. Baby, you know that it's time to say goodbye. But don't me my pen. Why you sell Nicky boot just to drive in? The way my foot pulled, just give me the Heisman. Touchdown. Cause it's time to bonne soirée la famille. Merci de brancher ici sur Fun Radio, on est en direct. Vos soirées ne seront plus jamais les mêmes. Oh yeah. Mike, le soir sur Fun Radio. Quelle que soit votre origine, votre couleur de peau, la somme d'argent que vous gagnez en fin de mois, votre religion, ramenez-vous, vous êtes les bienvenus, c'est un grand open space de liberté ici. On a une grande famille. Priorité à vous les amis, 02851 4x0, on va vous offrir du cadeau dans quelques instants, nous allons jouer ensemble au jeu du mon cul. On n'en a pas fait depuis le retour de l'émission lundi. J'ai hâte de voir ça moi. Donc le jeu du mon cul c'est très simple, on vous appelle un hôtel, vous jouez face à Lorenza, à moi ou à Coralie, ouais. Et vous, ou même Mamie Simone, et vous avez une minute pour lui faire, non 30 secondes, 30, une minute on va dire, pour faire dire qui est réceptionniste est placé derrière mon cul. Voilà, et là on se fanfaronne, on se fend la poire et c'est la folie. Alex Delovan est là, notre voyant médium. Bonjour coach de vie. Bonjour, Alex, bonjour. Comment oui, ça va mon pote? Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous tous? Ouais, super. Bah, tranquillement. Bientôt le week-end, Alex. Tu es là comme d'habitude pour faire la voyance en direct. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Le numéro Lorenza. 02 851 4x0. C'est une voix intrigante quand tu es en mode voyance quoi. 851 4x0. Donc ta voix intrigante, c'est la même voix que ta voix chaudasse. C'est les deux mêmes. D'accord. Ouais, ok, voilà. Alex, il y a du monde pour toi, évidemment. Auparavant, tu nous as préparé un petit astro-sexe, c'est ça? Exactement. Un horoscope du sexe. Alors nous t'écoutons. Moi, je suis lion. Ouais, moi, Gémeaux. Alors, je vais commencer par les béliers. Est-ce que je vais niquer? Ouais. Les béliers, si vous êtes gourmand, c'est une excellente soirée pour faire de la pâtisserie, car le sexe, ce n'est pas votre point fort aujourd'hui. Ah merde! Ah mais là, vous prenez ça dans la gueule, vous n'allez pas venir. Les béliers, ils se branchent tranquillement, ils se prennent ça dans la gueule. Exactement. Les taureaux, mesdames, vos seins ont besoin de s'exprimer. Un conseil, posez-les sur les cuisses de votre partenaire. Et si vous ne sentez pas quelque chose de dur, c'est que vous n'êtes pas avec un homme. Excuse-moi, tu veux faire fuir tout le monde en fait? Putain. Tu veux m'énerver tout le monde, Alex? Tu es quoi déjà, Mike? Lion. Moi, je suis Gémeaux. On va y arriver. Ça va être sympa pour toi. Les Gémeaux, faites marcher votre imagination érotique, comme les soins du corps ou le romantisme, et mettez en pratique dès ce soir. Mmh. Tu dors chez JP? Attends, non, elle dort pas chez JP ce soir, non. Lorenza. JP, voilà. C'est son petit ami, on rappelle, Jean-Pascal. On embrasse. Alex, s'en prie. Les sacrés cancers, vous avez la maîtrise du toucher, sortez et vous choisirez celui qui aura le privilège de se serrer contre vous. Mmh. Oula. Quoi? Oh, le lion, il va cracher le feu ce soir. Accueillez-le avec un lait de dragon. Je vous conseille une recette avec du lait, miel, ginseng, noix de muscade et levure de bière. Buvez à deux, un feu d'artifice vous attend. Ah ouais, voilà. C'est excitant, c'est ça, c'est un truc... C'est une boisson un peu aphrodisiaque. Ouais, c'est ça. Tu as retenu la recette, hein. Vas-y, non mais note, c'est pour un ami, je note. Tu m'as dit, alors, gingembre. Il y aura du lait, miel, ginseng, noix de muscade et levure de bière. Ginseng. Du ginseng. Les vierges folles, vous êtes une vraie bombe ce soir. Votre potentiel sexuel est immense. C'est le moment pour une nuit d'amour sans limite. Expérimentez sans tabou, tout vous réussira. Mmh. Les balances, vous avez besoin des stimulations les plus crues. Louez un film X et regardez-le avec votre partenaire pour trouver votre inspiration érotique. Mmh. Les scorpions, cédez à l'appel de la nature. L'animal en vous réclame à sortir. Soyez libre et faites l'amour sauvagement dans le premier lieu qui accueillant. Donc l'animal dans les scorpions réclame à sortir, c'est ça? Dans le premier lieu accueillant. Ouais, le premier exactement. Lieu accueillant. C'est une radio, c'est bien, non? Comme lieu accueillant. Ah, c'est vrai, c'est assez accueillant. Les sagittaires, faites un atelier peinture sur corps. Prenez votre inspiration dans les motifs primitifs ou animaux, ça sera beaucoup mieux. Ce soir, vous vous sentez un peu sauvage. Et on termine avec les poissons, c'est ça? Non, il y a les capricornes et les versos. Je suis pas très doué en astrologie, excuse-moi. Les capricornes, c'est la petite fille en vous qui réclame de la tendresse, des bras musclés pour s'y blottir et s'endormir tout doucement. Pour les folies, à deux, eh bien, il va falloir attendre un peu. Hein. Les Verseaux, ce qui vous attend pour ce soir, c'est un beau garçon, un peu nounours, pato et pas compliqué pour se blottir contre lui et lui raconter des secrets. Et on finit par les Poissons. Vous êtes en pleine forme pour une soirée télé, direction le canapé si vous en avez un, avec un bon plateau repas. Pour l'amour, c'est mieux d'attendre un autre jour. La tristesse pour les Poissons, la tristesse de votre soirée. Heureusement, on est là pour mettre un peu de piment dans vos soirées. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Alfonso? Non, je pensais que t'allais pas relever. Je suis emballée. Refais devant tout le monde ce que tu viens de faire. On est là. Voilà. T'as quelque chose contre ça, Alex? Est-ce qu'elle va être comme ça ou elle va, à un moment elle va s'adapter, elle va se mettre au niveau pendant l'année? Non, mais tu sais, une séance d'hypnose, ça lui ira très bien. Ah ouais, je pense il faut. Oui, ou alors changer de. Non, on va te garder, Lorenza. Ah, c'est sympa. Ah, merci. Bon, Alex, ne bouge pas, il y a du monde qui est là pour toi. Dans quelques instants, on va récupérer Kikoko. Jessica. Salut, Jessica. Salut. Hello. Ça va bien, Jess? Ça va et vous? Bah oui, tranquillement. Super. Bienvenue dans l'émission, Jessica, ça te plaît? L'émission? Oui, super, je suis contente. Bon, c'est cool. T'avais une question à poser à Alex, tu la poseras dans un instant, dis-moi juste ça concerne quoi? Ma dépression, mon agoraphobie en fait. D'accord, t'es agoraphobe, d'accord, t'as peur du monde en fait, c'est ça? C'est la peur de la foule? Ouais, c'est ça. Oui, les espaces publics et tout ça, le fait de m'éloigner de chez moi. Très okay. Bien, on en parle dans quelques instants avec toi, ne bouge pas ma chérie, il y aura le jeu du mon cul qui arrive aussi entre tout ça, si je peux me permettre l'expression. Et juste avant, voici Dino Reno sur Fun Radio. Dreams we had, the love we share, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we share, this is what we're waiting for. Sur Fun Radio. Et le soir, ça se passe comme ça ici sur Fun Radio, 22h31 en direct. Branchez-vous sur la Fun Vision là pour nous voir un petit peu, voir ce qui se passe dans les studios. Tiens, il n'y a pas de raison. Ouais. Bah, si vous n'étiez pas là tout à l'heure en début d'émission, on a fait le jeu de la justice téléphonique avec Kaufman. Ouais. C'est concerné ton numéro, Lorenza. Ouais, ouais, non. Donc, bah, je vais redonner le numéro pour les auditeurs qui viennent. Mais si on reçoit des SMS, s'il vous plaît, pouvoir donner le numéro de. Yo, Mike, est-ce qu'il serait possible d'appeler ma copine pour lui dire un grand je t'aime en live? On va s'en occuper. Quoi, bonne soirée. Pouvoir donner le numéro de Lorenza, s'il vous plaît? Bah, y a pas de souci. Écoutez bien, Elle a perdu tout à l'heure. Eh ben, on rend justice. 0477 32 10 74. Je ne le répéterai pas. Merci. 0477 32 10 74. Je suis un gros relou. Alex, on va le retrouver dans quelques instants, notre voyant. Parce que là on va faire une petite pause détente dans cette voyance. Avec qui est là pour jouer, Coco? Laetitia. Qui? Laetitia. Salut Laeti. Salut, salut. Hello. Ça va bien? Ça va, super. Bon, t'es où toi en Belgique? Le Jean et nous. Tu fais quoi dans la vie? Le Jean et nous. Oui, et tu fais quoi dans la vie? Ah, ok, pardon. Ouais, je suis aide-ménagère. Très bien. Bon, ma chérie, on va se faire ensemble le jeu du Montcuq. C'est très simple. Ouais. Tu vas d'abord choisir quelqu'un pour jouer face à toi. Est-ce que tu me choisis moi, tu choisis Lorenza ou Coralie? Oh, oui, my God. Allez, toi. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Bon, tu mets la pression. C'est imbattable normalement ce jeu-là. Bon, ce qu'on va faire, on a une minute pour faire. On va appeler des hôtels, une minute pour leur faire dire le mot qui. Il faut absolument qu'il y ait le mot qui pour que ce soit validé. C'est pas quoi, c'est pas. C'est vraiment qui. Ouais, faut que ça soit qui. Ouais. D'accord. Et tu places mon cul derrière, c'est celui qui arrive le plus rapidement possible qui gagne. D'accord? Je commence. Okay. Je commence ou je te laisse commencer? C'est toi qui vois. Les piles ou face. Qui c'est qui lance? Lorenza. Il faut lancer une pièce. Ok, je lance, je lance. Pile ou face. Hop! Oh merde, j'ai lancé mon téléphone! Oui, j'ai lancé le téléphone! C'est face! C'est face! C'est face! C'est face. Bon, et vous avez. Ouais. Bah, on n'a pas choisi avant? Ouais, on n'a pas choisi en fait, juste voilà, c'est ça! Bon, bah. Allez, moi, je prends pile! Vas-y! J'y vais, ok, vas-y, bah, je commence! Alors, vas-y, Coco, appelle-moi! C'est moi qui commence, je compose! Appelle-moi l'hôtel, et pour vous inscrire à ce jeu-là ou à un autre jeu, vous pouvez vous envoyer un message sur le Facebook! Mike sur Fun Radio! Merci, Lorenza! Oh mon dieu. C'est l'hôtel. Ok. Attends, faut pas rigoler, on t'entend. Je dis rien. Ils vont répondre, ils font quoi les hôtels? Ils écoutent Fun Radio. C'est ouvert. Ce serait fort, ouais. C'est sûr. Oui, je viens de t'appeler. Je t'en appelle un autre. Bon, vas-y, rappelle-moi un autre, oui, ça marche bien. Sûr et certain, il est Fun Radio. Je me rappelle à l'époque, on galérait autant. Petite Coco. Ça sonne. Donc, ça va être un gros succès encore, ce jeu du monde. Sans déconner. Bon, en fait, si t'as personne, c'est moi qui ai gagné, quoi. Bah, oui, bah, carrément. C'est pas mon tort. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux me passer les 10, s'il te plaît? Est-ce que tu peux passer les 10, s'il te plaît? Ah, il m'a accroché à la gueule! Mais on a entendu quand même le rire de Laetitia au début. Ah ouais, tu m'as gâché mon coup de fil. Ok, d'accord, ça va, je dis plus rien. Bon, vas-y, coup de fil pour Laetitia. Allez, faut que t'en places un et c'est gagné, ma petite Laetitia. Ok, ça va. Il y a du cadeau Fun Radio pour toi, cadeau de ton choix, pour te faire plaisir. Alors, Coco. Ça sonne. Rappelle que Coraline n'a qu'un doigt. À chaque main, c'est compliqué pour composer. Ah. Bonjour et bienvenue dans votre hôtel Novotel. Welcome to your Novotel Hotel. Allez, sa belle bande d'attente. Nederland, druk 1. Druk 1. Pour parler en français, tapez 2. Druk 2. Si votre appel concerne une réservation individuelle, Alors, vas-y, Coralie, sans déconner. Bon, merci Coralie. Ok. ça sonne. Là, voilà. Bonsoir, Novotel Brussels City Center. How can I help you? Hello, sorry. Pouvez-vous me passer, vous, la mémie? Excuse-moi? Est-ce que vous pouvez me passer? Est-ce que vous pouvez me passer? Êtes-vous ma mémie? Mais qui exactement? Elle, vous, ma mémie. Mais... T'as pas dit mon cul! Mais pourquoi t'as pas dit mon cul, putain? S'il vous plaît. Hello? Oui. Pouvez-vous me passer? Elle vous va, Rémi? Celui-là, il n'est pas chez nous. Vous êtes sûr? Oui. Vous pouvez regarder, s'il vous plaît, dans votre fichier. Ah, mais... C'est combien? Ça fait 9 secondes. Ouais.

sur Fun Radio. On est là, dernière minute de l'émission, les amis. Il reste encore 20 minutes là avant de retrouver Davy, la team de Tout est possible avec tous les influenceurs pour réaliser vos rêves à partir de 23h, entre 23 et 1h, avec Axel qui est en train de faire le con dans le studio. Il va pas nous entendre. Allez, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il est dégueulasse, quoi. Excusez-moi, c'était mon avis personnel. Bisous à Axel, que vous retrouvez dès 23h. Complètement. Alexandre Delovan, notre voyant, est là. C'est la voyance en direct sur Fun Radio comme tous les soirs. Alex. Oui, je suis là sagement. 02-851-4x0 pour participer à la voyance en direct. 3044 pour envoyer un message. Mike sur Fun Radio, c'est le Facebook. Et il y a la page Facebook aussi d'Alex. Alex Delovan, coach de vie. Vous allez liker la page, les amis. Alexandre, il y a du monde pour toi. Il y a qui est là au téléphone? Coralie. C'est Jessica. Salut Jess. Salut. Ça va bien, Jessica? Ça va et vous? Bah, oui. Super. Tranquillement, bientôt le week-end. Voilà. Ouais, j'ai pas envie que l'émission se termine. Oh non, c'est trop bien. Ma petite Jessica, tu avais une question à poser. Tu m'as dit que c'était une question qui concernait ton agoraphobie, c'est ça? Tu as la peur. L'agoraphobie, c'est la peur de la foule. Oui, de l'espace public, du fait de m'éloigner de chez moi, sans revenir, voilà. D'accord. Alors vas-y Alex, t'écoute. Oui, Jessica, tout d'abord je vais te demander ta date de naissance. 26 mars 1992. Oui. Et avant de te répondre, je vais te poser trois questions. Est-ce que auparavant tu as souffert d'une fracture familiale? C'est-à-dire? D'un détachement familial, affectif, émotionnel? Oui, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu un passé difficile, en fait. Parce que pour moi, si tu veux, il y a un cumul de fractures émotionnelles et familiales qui font que tu ne fais peut-être pas de lien avec ce problème d'agoraphobie, mais ce sont des conséquences qui se répercutent aujourd'hui sur tes problèmes. Autre chose, est-ce que tu as des surconsommations, soit d'alcool ou de drogue illicite ou autre? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord, ok. Et il y a 3 ans de ça, tu as vécu un changement affectif et émotionnel qui a été difficile pour toi? Non, mais par contre, si je peux vous le dire, j'ai eu un accident en 2009. J'ai fait une commotion cérébrale. Ah ouais? Je me suis réveillée le lendemain à l'hôpital et c'est de là que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse depuis des années. Et ici, il y a quelques mois, je suis tombée en dépression. Et c'est comme ça que mon agoraphobie est venue, à cause de ma dépression, en fait. D'accord. D'accord. Mais de ce que je ressens pour toi, c'est-à-dire que depuis 3 ans, tu es dans un changement social. Comme si il y avait des personnes autour de toi qui s'étaient un peu éloignées et un sentiment d'être un peu seule, oui. Tu vois. Et ça, ça ne fait que empirer ton problème. Alors juste, tu vas en sortir de ce problème-là. Pour moi, il y a vraiment un besoin de te faire aider, soit par un psy, un TCC, c'est sur les comportements cognitifs. Ça marche très très bien et ça te permettra d'accélérer le processus de la guérison. Mais ceci étant, je sens que tu as besoin de changement d'environnement social, de là où tu habites. Est-ce que tu as pour projet de déménager? J'en avais, oui, mais je n'y arrive pas parce que même avec mon salaire, parce que je suis toute seule à travailler, j'ai jamais su trouver un autre appartement. Eh bien, pour moi, c'est le moment. Alors, bien sûr que là, ça ne va pas t'encourager parce que si tu n'arrives pas à déménager, mais c'est un changement de lieu qui va te permettre de t'aider à guérir. Et ensuite, tu dois absolument te faire aider par un thérapeute ou un médecin spécialisé pour pouvoir sortir de ça. Écoute, oui, je voulais déjà le faire, mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'argent en fait. Mais c'est remboursé, ma belle. Hein. Si jamais t'as vraiment des gros problèmes, si tu vas voir un psychiatre, c'est remboursé par ta mutuelle. Donc tu t'as pas besoin de dépenser de l'argent toi-même. Tout est remboursé vraiment? Ouais. Ok. Ou quasi tout. D'accord. En tout cas. Tu payeras beaucoup beaucoup moins cher si c'est pas l'entièreté. En tout cas, c'est beaucoup moins cher que si c'est un psychologue ou un thérapeute. Donc je te conseille vraiment de faire ça parce que c'est... De faire les démarches, ouais. Voilà. Okay. Oui, parce que effectivement, cette pathologie est très difficile de s'en sortir par soi-même. Voilà. Et là, je te conseille fortement et je te recommande de te faire aider pour pouvoir. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de capacité à le faire, mais là, il y a vraiment un besoin d'aide parce que tu as eu trop de traumatismes dans ton passé et qui font que, ben, aujourd'hui, tu es encore jeune et tu as toute la vie devant toi. Voilà. Il faut socialement t'ouvrir. Il faut absolument rencontrer de nouvelles personnes qui vont te donner confiance et qui vont te permettre d'aller dans des lieux avec beaucoup plus de confiance et de sécurité. Et si tu vas dans ce chemin-là et si tu te prends en main, parce qu'il ne faut pas s'abandonner, parce que là, tu es en train de t'abandonner en ayant peur et en laissant ces peurs prendre le dessus sur toi. Et si tu t'en sors bien, les cartes aujourd'hui disent que d'ici 6 mois, tu es sorti de cette maladie-là. Donc voilà, il faut s'accrocher. Ok, Jessica. D'accord. Et fais surtout les démarches, comme le Reza t'a dit. C'est remboursé, donc vraiment renseigne-toi, d'accord. Si tu as le droit, faut pas hésiter, ma chérie. T'es jeune et t'as besoin de t'éclater, hein. Ça va aller, t'inquiète. Jessica, je te fais des gros, gros, gros bisous. Et est-ce que au moins on te remonte un petit peu le moral quand t'écoutes l'émission, quand t'écoutes Fun Radio? Oui, et j'adore passer à la radio, d'ailleurs, ça me fait du bien. Ah, ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux, on va te rappeler souvent, ok, ma chérie? Ça va, merci. Gros bisous, Jessica. Gros bisous, Jessica. Merci d'être venue dans l'émission. Gros bisous. Bisous. Alex, bon, c'était un petit peu long, donc du coup, on s'est consacré à Jessica ce soir, c'était important, ouais, important d'en parler. Important. Voilà, c'était vraiment pas bien. Donc, on refera une autre voyance en direct, un peu plus longue, dimanche soir, ok? Cool. Exactement. Juste une info, elle a dit qu'elle se sentait mieux parce qu'effectivement, elle se socialise avec. Elle s'est sentie. Entendu et tout ça, c'est là où, ouais, ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup Alex, je te souhaite un bon week-end et puis à dimanche alors. À dimanche alors. À dimanche. Salut à Alex. Dimanche. Bonne soirée à tous. Bonne soirée sur Fun Radio dans quelques instants. Mami Simone et Gradiors. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta. Verre de rosé, un pas de côté. D'un coup mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peu près. C'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie avec ou sans toi. Je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse. T'es ma chantier, moi je suis ton jaoul. J'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mon parcours. Je serai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer Melosa. Ah. Tellement de soucis dans la tête, laisse-moi m'en jaillir. Dans un océan de billets, je rêvais de me noyer. Rosa dans ma tête, je l'ai côtoyée. Depuis qu'elle est partie, je l'ai pas oubliée. Elle a bousillé ma tête et mon esprit. Mon cœur s'est ouvert à cette mélodie. J'suis condamné à rapper ma vie, mon vécu. Car niveau sentiment, j'suis maudit. Oui, j'suis un artiste, j'sais qu'est-ce que tu croyais. On peut pousser la mêlée, on fait pas qu'aboyer. J't'avoue, j'ai volé pour payer mon loyer. Mais j'ai de la culture, j'ai ouvert mon cahier. Un cœur de pierre fait en béton armé. Trop de femmes m'ont déçu, poto, j'peux plus aimer. Me suis juré d'avancer, réussir mes projets, ne pas louper le corps. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Bonne soirée sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi la famille. On se tape des barres de rire jusqu'à 23h. À partir de 23h, ce sera Davy et toute l'équipe de Tout est possible. Radio Simone, dans quelques instants, elle est là, mamie. Non, elle est pas là, on va la retrouver dans quelques instants. On aurait pas dû faire ça. À tout de suite. Moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Salut tout le monde, c'est Samy et Chloé. Cette saison, on se retrouve tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 19h, en direct. Woo! Merci Chloé. 16h-19h, c'est Samy et Chloé sur Fun Radio. Vous voulez participer à l'émission? Rendez-vous sur la page Facebook Samy et Chloé.

don't know is we don't get. We're gonna keep it on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. En direct sur Fun Radio. Tu as du gros son toute la soirée, merci de nous avoir choisi. 20h-23h, Mike, sur Fun Radio. C'est moi-même, il y a Lorenza également, ouais. Coralie qui s'active au standard. Elle n'a pas arrêté de la soirée. Elle n'a pas arrêté, la pauvre. 02-851-4x0. Et il y a même Mamie Simone qui est dans le coin avant de retrouver Davy et sa team d'influenceurs. Tout est possible, ça arrive à 23h. Ça va, Mamie? Bien et vous-même? Oui. On est comment au niveau de la voix, Mamie Simone? Ça part en couille là? Non, non, elle est très bien. Qu'est-ce qui se passe? Alex avait raison sur l'angine ou quoi? Ouais, ouais, ouais. Il vous avait prédit l'angine. C'est vrai, ben, j'attends toujours. Pour l'instant, ma santé est au top. Je ne vais pas encore mourir. Désolé pour vous. Mince. Mamie, de toute façon, je suis sur votre testament, n'est-ce pas? Comment? Non, rien. On va jouer, Mamie Simone. Oui, bah alors mon jingle. Oui, votre jingle, on y va. Allons-y. C'est Radio Simone avec la belle, la délicieuse, la sensuelle, la somptueuse Mamie Simone. Sur Fun Radio. Comment vous allez bien, les amis? Ça va bien, et vous? Bah ça va bien. On va jouer un petit jeu ce soir. Alors ça va être très simple. Je vais vous lire des phrases de chansons en français. Il va falloir découvrir si à la base ces chansons sont en français ou en anglais. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Bon, nous avons des auditeurs. Oui, normalement. Je ne suis pas au courant, comme d'habitude, mademoiselle Coralie ne dit rien. Pardon, il y a Yacine et Kevin qui sont là. Ah, on faisait passer un big up aussi. Ah, on faisait passer un big up à Samantha et Gloria de la part de Laetitia. Bah voilà. Donc, il y a qui, Coralie? Il y a Kevin et Yacine. Salut, Kevin. Bonsoir. Bonsoir, l'équipe, vous allez bien? Bah ouais. Oui, tranquille. Mamie Simone, je vous laisse gérer, hein, d'ailleurs. Oui, bon. Oui, oui, oui, oui, bah, vous parlez, bonsoir.